Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Bon, on est un peu en avance hein, ce matin. D'habitude, on commence à 6h30. Là, c'est le warm-up. Bon, bah voilà, c'est terminé, 6h22. J'espère que vous avez passé une bonne nuit sous la tempête. Alors, plus de peur que de mal. En tout cas, bon, chez moi, il ne s'est pas passé grand-chose, à part beaucoup de pluie. Non, c'est surtout sur le sud du pays. Ouais, a priori, ouais. Mais il n'y a pas grand-chose, heureusement, pas trop de dégâts. Bon, bah c'est déjà ça. Donc, si vous étiez effectivement sur Arlon, la province du Luxembourg et le Grand-Duché du Luxembourg, dans l'absolu, a priori, normalement, c'est bien tombé. Et si vous n'avez plus de toi, c'est normal. Oui, en gros, c'est un peu ça, effectivement. Ouais. Donc, bon ben voilà, venez nous dire un petit peu ce qui s'est passé, hein, comment ça s'est passé, etc. Vous avez eu peur, vous avez pas eu peur. En tout cas hier soir sur Facebook c'était la panique. Il y en avait pas mal qui étaient terrorisés à cause du vent. Qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu, j'ai peur, etc. Bref, dites-nous comment ça s'est passé chez vous tout simplement. Comment va Julie? Mais je vais très très bien. Donc pas d'arbres sur la polo alors? Mais non, j'ai cette chance là. Bah, pour l'instant parce que là je suis garée près des arbres. Oui, c'est vrai. On sait jamais, ça peut tomber, on sait jamais. Si vous tiendra au courant. Si vous êtes bûcheron, oui, si vous êtes bûcheron, venez l'enlever, hein, l'arbre, y a pas de problème. En pleine forme. Écoute, tout va bien. Bon, bah tant mieux. Les deux stagiaires aussi, bah Max et Séville sont où alors? Bah il y en a un que j'ai fouetté dans le bureau. Ah d'accord. Et l'autre il est en haut dans le studio de prod. Fait du café? Non. Ah putain, on les a mal éduqués hein. Bah c'est pas ça, c'est que je les ai attachés au radiateur, ils peuvent pas bouger. Donc, ah oui d'accord, ok. J'ai pas encore été les nourrir ce matin. Évidemment, évidemment, ceci explique cela. Bon, et puis bien évidemment, Lob qui va arriver aussi. Alors, toujours bah oui. En retard, hein. Si tu nous toujours. Écoutes Lob, hein, oui, tu vas te faire engueuler par Julie, tu vas voir. Bientôt à quelle heure il va arriver? Mais c'est ce que je me suis dit, j'ai pensé à ça. Si tu lui dis rien, Mickaël, bah bientôt il va arriver à 7h08. On va voir, Non, ça va aller, Lob, je t'embrasse, je t'adore. Mais oui, c'est ça. On t'aime Lob, mais tu es très en retard. Mais quand même, oui. Bon, il y aura la ligne anti-relou évidemment. Tout à l'heure, on fera chez du monde. Oui. C'est en fait un nouveau c'est... sondage. Non, pas du tout. C'est Laurie. Nouvelle étude. Non, c'est Laurie. Laurie la chanteuse. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Bah, elle a fait une déclaration qui m'a express. Non, mais qui m'a un peu surprise. Donc on va prendre Julie parce que c'est la seule fille malheureusement sur qu'est-ce qui. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bah toi rien, mais Laurie elle a dit que aujourd'hui les femmes étaient capables d'utiliser une perceuse, mais aussi des sextoys, et qu'aujourd'hui la plupart des filles en avaient à la maison. Ah bon? Et donc la seul exemple qu'on a, c'est toi. Donc est-ce que tu en as à la maison? C'est pas qu'on s'acharne sur toi, c'est pas qu'on s'acharne. J'en ai pas besoin. Ah mais c'est vrai, tu as chouchou. Très honnêtement, moi j'en ai vraiment pas besoin. Mais je peux comprendre que des filles en aient. Moi j'ai des copines qui en ont et tout. Je comprends tout à fait. Mais moi j'ai la chance de ne pas en avoir besoin. Elle a la chance d'avoir super chouchou. Mais... il est avec une cape bleue d'ailleurs. Il faut savoir, il vole là, le matin. Hop là, il a déposé à la radio, c'est le top. Donc au top du top. Hein. C'est super chouchou. Exactement. Et après, pas besoin de jouer à la maison. Bon, donc, du coup, bon, on appellera pour le sondage. Pour vérifier. Évidemment. Non, parce que moi je la crois pas, cette Laurie. Je la crois pas. Bah ouais, mais je comprends. Tiens, les d'ailleurs, la preuve, Julie en est. C'est vrai. Bon, en tout cas, on vérifiera ça tout à l'heure. On paiera vos factures également au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. On aura également l'occasion de vous envoyer peut-être à Tignes avec un tirage au sort tout à l'heure à midi avec Lucas. Et puis on jouera aussi pour vous inscrire à ce tirage au sort tout à l'heure avant 9h30. Vous pouvez aussi vous inscrire au 6322 code neige. Nous aurons un petit invité mystère, une petite énigme. Et ce matin. C'est du lourd l'invité mystère aujourd'hui. Ah ouais, c'est du très très lourd. Écoute, la chanson avec laquelle je me suis fait réveiller, donc c'est le petit jeu par quoi s'est fait réveiller Mickaël ce matin, parce que j'ai mon radio réveil qui n'est malheureusement pas branché sur Fun parce que ça ne passe pas chez moi, mais du coup je suis obligé d'être sur une autre radio et je me suis fait réveiller par ça ce matin. Quand j'ai entendu, je me suis dit, j'ai cru que j'étais dans un film d'Aldo Machone. Voilà. Ah oui, je vois ce que c'est. Et oui, le titre du film c'était Pizzaiolo et Mozzarella. Quoi, c'est vraiment la BO d'un film, ça? Ah oui? Ah, je sais pas. Ah oui, bien sûr, hein, avec Aldo Machone. C'est pour ça que je le dis. J'ai dit, oh là là, mon Dieu, j'ai cru que j'étais. Moi j'ai cru que c'était la musique qui te rappelait ça, mais je savais pas non. Que c'était le. Ah non, pas du tout, pas du tout. Tu mets que l'intro en fait. Non, je peux mettre plus loin si tu veux. Non. Voilà. Là, ça commence à devenir intéressant. C'est vrai. Parce que je regarde pas trop les films d'Aldo Machone. Mais ouais, bon. Mais non, mais c'est quand j'étais petit. Hein. Voilà, si vous avez une idée, hein, qui chante? La salle fait peur. Bon, si vous avez une idée, hein, c'est non particulier, mais enfin c'est français, c'est normalement assez connu. La bonne réponse au 6322, des écrans plats ou des home cinéma LG qu'on vous offre toute cette semaine. Bonne chance tout le monde. Tiens, il y a un message qui dit, j'ai tout bêtement dormi comme un gros bébé, j'ai rien entendu du tout. C'est Marilyn qui avait envoyé le message. Rien, que dalle. Oui, bon, très bien. Ils font souvent ça. On parle beaucoup d'une tempête qui va arriver et en fait quand elle est au-dessus de notre tête elle a perdu pas mal d'intensité. Ouais, enfin, il vaut mieux qu'ils en parlent trop que pas assez au exactement, final. Exactement, ils préfèrent prévenir vachement la population comme ça au moins on est moins tranquille. Ouais, voilà. Je vous rappelle qu'ils avaient pas vu la neige, on s'est retrouvé avec un mètre. C'est vrai. Bon, si vous avez une idée, qui chante ça, 6322 par SMS, c'est 1€ le message, bonne chance, ou pour nos amis luxembourgeois, vous pouvez jouer aussi au 621-783-605. Et dans un instant sur Fun Radio, c'est Maroon 5 avec Christina Aguilera. Ce sera Moves Like Jagger sur Fun Radio. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, bienvenue tout le monde. C'est vendredi aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle. Le 16 décembre, de 1, c'est bientôt Noël. De 2, c'est bientôt le week-end. Et d'abord, on va passer à l'info maintenant avec les mauvaises nouvelles du jour. Et oui, après de bonnes nouvelles, des mauvaises. Bonjour à tous, la tempête Joachim ou Ergon s'abat sur la Belgique. La dépression est actuellement au sud du Sillon, sans Brémeuse, avec des vents jusqu'à 100 km/h, heureusement pour l'instant. Plus de peur que de mal, il n'y a pas ou très peu de dégâts à signaler, à part quelques caves inondées et un arbre déraciné à Arlon. Les parcs et cimetières bruxellois ont été fermés au public par mesure de sécurité. La tempête quittera le pays vers 14h pour rejoindre l'Allemagne. Les parents du petit Gabriel, le bébé de 17 mois, décédé mardi après l'attaque sanglante sur la place Saint-Lambert à Liège, mettent en garde la population liégeoise face à un phénomène de faux démarchage organisé en vue d'une récolte de fonds, à l'exception de l'action organisée par le quotidien La Dernière Heure avec l'assentiment des parents. Il n'existe actuellement aucune autre collecte de fonds officielle approuvée par la famille. La ville de Liège organisera le mardi prochain à 20h30 sur la dalle Saint-Lambert une cérémonie officielle d'hommage aux victimes des événements. Celle-ci se déroulera en présence des autorités du pays. De son côté, Elio Di Rupo a présenté à la Chambre 5 domaines d'action pour lesquels une attention et des actions prioritaires seront requises à la suite du drame survenu à Liège. Le gouvernement entend agir au niveau des armes et plus particulièrement le trafic d'armes illégales et la détention ou l'usage d'armes lourdes. Il focalisera également son attention sur la lutte contre l'économie illégale, la problématique de la récidive, les échanges d'informations ainsi que la prévention. De plus en plus de gens sont exclus financièrement en Belgique. Les services financiers deviennent omniprésents, mais parallèlement, la population est totalement exclue de ces services est en augmentation. C'est un constat du réseau financement alternatif. Le nombre de comptes à vue par personne a augmenté de 3% par an, de 2005 à 2009 en Belgique. Par contre, plus de 350 000 personnes, soit 13% de la population majeure en Belgique, a bien avait en 2009 au moins un crédit en défaut de paiement. Le mouvement appelle donc dans son rapport à renforcer les politiques publiques qui visent à lutter contre l'exclusion financière. À l'étranger, en République démocratique du Congo, 5 chefs de centre de vote lors des élections législatives et présidentielles du 28 novembre dernier ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir falsifié les résultats de 2 candidats. La commission électorale a promis de traduire en justice des agents s'étant livrés à des fraudes. Et puis enfin, en sport, en 6e journée de phase de poule de l'Europa League, bonne nouvelle, le Standard, qui était de toute façon déjà qualifié, a battu 0-1 Copenhague. Par contre, le FC Bruges a obtenu le fameux partage 1-1 face à Braga et s'est qualifié également. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il est 6h34 sur Fun Radio, c'est l'heure de la météo. Eh bien, de la pluie pour la matinée, comme je vous l'ai dit, la tempête qui passera sur le pays avec des vents jusqu'à 100 km/h, heureusement un petit peu moins forte qu'on l'avait cru. En Belgique, en Haute-Belgique, il neigera temporairement. Quelques éclaircies se développeront cet après-midi, température de 4 à 7 degrés. Demain, il va faire un petit peu plus froid, mais la pluie normalement aura disparu du ciel. Ah bah c'est déjà ça, effectivement. Tiens, on me signalait que la musique dont j'ai parlé là, avec laquelle je me suis réveillé et qu'on cherche toujours, c'est-à-dire celle-là, hein, ça vous voyez ce que c'est. J'avais dit que c'était la BO de Pizzaiolo et Mozzarella, un film avec Aldo Machone dans les années 80, et on me disait que c'est Marcia Baila et non pas ce titre-là. Autant pour moi, je ne savais pas qu'il y avait d'autres débiles qui, comme moi, avaient regardé ça en étant petit, mais je suis content de ne pas être le seul. Tu vois, ça me rassure quand même, malgré tout. Bon, voilà, si vous savez qui chante ça, 63-22, c'est avec ça, je me suis fait réveiller ce matin, c'était très dur. On proposait Niagara. Ah non, c'est dans la même veine, hein, cela dit, mais c'est pas ça. Voilà, la bonne réponse au 63-22. Et il y a des écrans plats ou des home cinéma, entre autres, à gagner ce matin. Quelle info en plus? Eh bien, c'est quand même assez fort. Un ticket de parking à 51 000 euros à Luxembourg, ville. Tu ah ouais, mais ouais, j'ai vu ça. Mais évidemment qu'ils sont blindés là-bas. Bah, en fait, pour expliquer pour ceux qui n'avaient pas lu l'info, eh bien, le propriétaire d'une voiture a laissé sa voiture dans un parking à Luxembourg. Pendant 5 ans. Et en fait, c'est plus ou moins 26,90 € la journée le parking. Comme ça fait 5 ans qu'elle y est. Eh bien, au total, maintenant, il doit au parking 51 000 euros. Et en fait, la voiture est immatriculée en France, mais on ne sait toujours pas à qui elle appartient. Et les responsables du parking, ils disent, ils y croient dur comme fer, c'est toujours à celui, au propriétaire, qu'il incombe de sortir la voiture. Donc eux, ils refusent de sortir la voiture du parking parce que c'est pas à eux de le faire, c'est au propriétaire. Ouais. Mais bon, on pense quand même que le propriétaire a probablement abandonné sa voiture. Oui, je pense qu'il y a un moment, il faut s'imaginer ça. Il est malheureusement arrivé quelque chose de très grave. Oui, parce que ça fait quand même 5 ans qu'elle est là. Et donc, 5 ans à 26,90€ la journée. Et bien maintenant, il doit payer un ticket de parking à 51 000€ s'il veut, bien évidemment, récupérer sa voiture. Il doit d'abord payer le ticket de parking pour pouvoir sortir la voiture. Bon, je pense qu'ils vont faire un geste commercial au cas où. Je pense qu'il ne reviendra jamais chercher la voiture. Ça aussi, c'est une possibilité. Il y a une grosse couche de poussière sur la voiture. À moins que ce soit une grosse Porsche Cayenne, je veux bien aller la prendre. Mais sinon, évidemment, à 51 000€, il faut que la voiture en vaille la peine. Hein. Oui, c'est une Citroën en fait. Ah ouais, non, bah laisse tomber alors. Voilà. C'est clair. Bon, Maroon 5, on écoute tout de suite avec Christina Aguilera et Moves Like Jagger. Bonne matinée sur Fun. Il est 6h36. On jouera tout à l'heure aussi, bien évidemment, au Free Code Game. Et oui, vous attendez ce moment avec impatience. Rassurez-vous, ça arrivera tout à l'heure sur Fun Radio et vous jouerez avec nous vers 8h30. 6h39 sur Fun Radio et bonne matinée avec nous. On va parler de Rebecca Black maintenant. Oui, si vous Rebecca vous souvenez Black. De qui est Rebecca Black. Alors, c'est pas forcément la meuf dont on se souvient toujours. Ben non, mais pour resituer, si je vous parle de Friday, la pire chanson du monde, là ça vous dit peut-être un peu plus quelque chose. Rebecca Black, c'est la chanteuse de cette fameuse chanson qui avait donc été élue la pire chanson du monde. Oui, d'ailleurs je vais avoir un petit extrait normalement dans un instant là. J'espère quand même. Bon, je te laisse chercher. Et bien en tout cas, c'est la sensation de l'année 2011 sur Google. En fait, c'est l'une des célébrités dont le nom a été le plus recherché sur Google dans le monde en 2011. Elle, donc Rebecca Black, se classe en tête des personnalités sur lesquelles la recherche a grimpé le plus vite. Exactement. Alors, magnifique. Voilà. La chanson, c'est ça. On vous laisse apprécier. Ah oui, c'est magnifique. Voilà, c'est l'intro. Voilà, c'est l'intro, effectivement. Et je vous mettrai le refrain. Donc, sa chanson a fait fureur, en fait, tellement elle était, mais nulle. Et donc, voilà. Voilà. Et je referai c'est vendredi. Voilà, c'est génial, hein, comme vous pouvez l'imaginer. C'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Et donc, en fait, elle avait posté sa chanson sur YouTube et ça avait fait un carton tellement c'était nullissime. Ouais. Elle avait carrément été élue pire chanson de l'année, ce qui lui avait fait une pub d'enfer. Mais regarde, aujourd'hui, on en parle à Bruxelles. Et ben, tu vois, on est en Belgique, voilà. On en parle. Eh bien, aujourd'hui, c'est quand même celle qui a été élue personnalité sensation de l'année 2011 sur Google. Oh, c'est quand même c'est super ouf. Énorme. Quoi. Bah ouais, c'est clair, avec non, mais c'est bien pour elle. L'actualité qu'on a, c'est la célébrité qui a été la plus recherchée, quoi. Et bah comme quoi finalement, faites de la merde, ça marche. Mais oui, tout à fait. Bah ouais, allez-y. Bon, 6h40 sur Fun Radio. Mais j'espère que chez nous, ça va porter nos fruits, ce fruit. Hein. Ah oui, à faire de la merde. On essaie tous les jours. Mais oui, on essaie tous les jours. Très appliqué à faire de la merde. Ouais, on y travaille. Bon, allez, dans un instant sur Fun Radio, on écoutera le son de Katy Perry. Qui va débarquer, Katy Perry, le nouveau avec The One That Got Away. Et puis on va faire un tour du côté de l'infotrafic aussi. Je pense qu'il devrait, à mon avis, en tout cas aujourd'hui, se passer pas mal de choses, surtout dans le sud du pays avec la tempête et les pluies. Si vous êtes témoin d'un problème d'ailleurs, dites-le nous au 3044 ou un petit mail mikael@funradio.be. Vous faites jouer évidemment la Fun Solidarité, on compte sur vous. La radio, tous les matins. Tous les matins, Mikael est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et en pleine forme, d'ailleurs, il y a un message qui est arrivé qui dit accident sur la E19 direction Bruxelles à hauteur de Nivelles. Bonjour à l'équipe, signé le technicien Beacom qui dit bonjour à James. Eh ben très bien. Oui, d'ailleurs, j'ai un petit problème avec Beacom, je les appellerai après. Je me suis bien fait escroquer encore une fois. Bon, allez, c'est parti maintenant pour l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes? Prudence, accident sur le 17, Gand, direction de Anvers à hauteur de Haas. Donc, la bande de gauche et du milieu qui sont obstruées. Il y a des files à cet endroit. Et puis, chaussée inondée sur le ring d'Anvers en direction des Pays-Bas à hauteur du Tainsman Tunnel. La bande de droite est obstruée. Situation dangereuse. Évidemment, soyez prudents. Levez le pied et tenez votre volant à deux mains. Il y a pas mal d'eau sur les routes. Risque donc d'aquaplaning et puis quelques rafales de vent au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Oui, d'ailleurs, message également à l'aube. Il n'est toujours pas là. Donc, qu'est-ce qui lui est encore arrivé? Est-ce qu'il n'a pas tenu son volant avec les deux mains? Nous allons nous renseigner. On vous tiendra au jus. On vous tient au courant. Il n'y a pas de problème. Dans un instant, c'est la ligne anti-relou sur Fun Radio. Et puis Katy Perry maintenant. The One That Got Away sur Fun Radio. Bonne matinée, il est 6h46. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 6h49. Bon réveil, il y a Ina qui arrive dans un instant avec Juan Magan, ce sera Un Momento. On va faire chier du monde aussi avec Tov dans quelques instants, qui est encore une fois tombé sur un petit sondage et dont on va parler bien évidemment. Et puis toujours évidemment aussi la petite chanson que l'on cherche depuis tout à l'heure. Si vous avez une idée, il y a des écrans plats ou des Home Cinéma qui sont à gagner. Écoutez-la bien donc. C'est avec ça que je me suis fait réveiller ce matin. Et les radios réveil ne choisissent pas forcément sur quelle radio on se branche. Et donc forcément, on peut tomber sur des trucs un peu particuliers. On peut très bien choisir si tu ne sais pas te servir de ton radio réveil. C'est ça, mais non, ce problème c'est que je suis dans une maison et il n'y a rien qui passe à l'intérieur à cause des fenêtres ou je sais pas quoi. Voilà, à votre avis, qui chante ça? Voilà, et alors il y avait une proposition qui était arrivée, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. Rita de Musico. Non, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Je suis vraiment désolé. Hein. Si vous avez en tout cas la bonne réponse ou si vous avez mieux l'écrire, hein, bah, n'hésitez pas. 6322, c'est un euro le message. Comme je vous le disais, des écrans plats ou des home cinéma LG, entre autres, à gagner ce matin. Mais bon, on s'emballe. C'est la ligne anti-relou. En tout cas, c'est l'heure de la ligne anti-relou maintenant. Les meilleurs messages qui ont été laissés au 0473 86 0013. Bah, on va écouter le premier, tiens. Oui, bonjour, c'est Audrey. Tu peux me retéléphoner, c'est pour savoir si tu serais libre et combien est-ce que tu prends. Merci. Oh, il a fait une prostituée, c'est bon ça. Bah oui, c'est ça. C'est bon ça. Bah, oui. Non, bah oui, mais c'est surtout s'il a eu le numéro, c'est qu'il a même réussi à saouler la prostituée. Mais c'est horrible, tu crois qu'il a vu la fille qui s'est dit que c'était deux fils une prostituée ou qu'on lui a dit? Parce que ah, ça, je sais pas. Si on... Enfin, t'es pas une fille, mais si on me prend pour une prostituée, je prends quand même assez mal. Bah ouais. D'ailleurs, combien tu. Et même maintenant, là. Vous avez vu comment elle est violente? Est-ce que vous avez vu comment. Je fais une petite vanne, bon, sympathique, hein, n'est-ce pas? Et regardez comment elle est violente tout de suite en arrivée aux mains, frappée, oui, etc. Bien sûr. C'est ça que nous vivons chaque matin. C'est ultra violente. C'est ça que nous vivons chaque matin et c'est très dur. Aïe! Ouais, voilà, ah, tu vois, il y a encore de taper top. Mais oui, c'est ça, ouais. Quoi. Bon, allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou, bah, je te confirme. Hélène, bonsoir, c'est Marcel Appareil. Ben voilà, comme promis, je t'avais dit, je sonnerai entre 17 et 18h. Bon, ce n'est pas toujours agréable de parler à un répondeur parce qu'il n'y a pas du répondeur. Mais bon, c'est pas grave. Tu as mon numéro ou bien je te rappellerai plus tard. D'accord ? Allez, je t'embrasse. Et oui, ce n'est pas agréable de parler à un répondeur car il n'a pas de répondant. Merci. Merci pour cette remarque. Ouais, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, oui, c'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, dernier message. Ah. Ok, bah j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est les plus courtes qui sont les meilleures. Hein. Ah oui, ouais. oui, tout à fait. Non, comme quoi, il y a des exceptions partout. Non, il était bien, lui, moi j'ai aimé. Il était rapide en tout cas, ça c'est le mot qu'on puisse dire. Le retour de la ligne anti-relou, c'est dans moins d'une heure sur Fun Radio. 0473 86 0013. Retenez bien le numéro, car demain, à mon avis, à la soirée Fun Radio pour les 20 ans à Charleroi au Coliseum, je pense que Tov va se la ramasser beaucoup. Ah, mais moi je beaucoup, beaucoup de fois. Je serai chaud comme la braise. Ah, ouais. En tout cas, toute l'équipe sera là. Il y aura Vince, il y aura l'abbé, il y aura Cathy, il y aura Tov, il y aura moi, il y aura toute l'équipe de Fun Radio, Evan et toute la tribu qui sera là également, bien entendu. Voilà. Juste oublié de préciser qu'on faisait gagner des billets d'avion. Quoi. Et qu'on fait gagner évidemment des billets d'avion et des séjours complets. Attention, bah oui, avec l'hôtel et tout. Normal. On fera un petit jeu demain sur la scène, tout ça, vous allez voir. Parce venez nombreux au Coliseum à Charleroi, donc demain, on sera là en pleine forme. Parce que tu vois, je suis une meuf entre choisir de me voir ou choisir de se voir un voyage complet. Oui, non, mais c'est vrai. Je comprends que les meufs préfèrent venir me voir. Bon, ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, il y aura les deux. Allez, bougez pas, dans un instant, on appelle quelque part en Belgique, je ne sais pas encore où pour. Poser des questions, hein, puis en 7h50, en général, 6h50, pardon, les gens sont toujours ravis d'avoir des petites questions comme ça, tiens. Et Love vient d'arriver, yeah, magnifique! Yeah, yeah. C'est Fun Radio et dans un instant il y aura le son de Neyer avec Mombi qui va débarquer d'ici quelques instants, donc restez bien avec nous, hein. Et puis nous allons faire chier du monde maintenant comme prévu, c'est parti, on va donc appeler, bah, alors du coup je ne sais pas très bien où est-ce qu'on appelle, mais on va appeler, c'est sûr, hein. Appelons. Et alors on va appeler pourquoi? Rappelle peut-être pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. En fait moi je suis tombé sur une déclaration de Laurie, hein. Laurie c'est une grande chanteuse et oui. À texte que tout le monde connaît bien. Tout à fait. Pour son décolleté. Bien sûr. Et donc Laurie a déclaré que aujourd'hui les femmes étaient modernes, qu'elles savaient se servir de la perceuse et du sextoy pratiquement aussi facilement. Et donc du coup bah moi je voulais voir si justement toutes les femmes avaient, comme elle le dit, des canards vibrants à la maison. Bon bah on va appeler à Marquin pour se renseigner, hein. Direction Marquin maintenant, c'est parti, on appelle et bah on verra effectivement comme si le les filles sont encore. Non. Si les filles sont encore Marquin, si, standard. Ouais, voilà. Si utilisent encore le sextoy ou pas en l'occurrence. C'est parti, on y va, on appelle. Il vaut mieux laisser tomber. Allô, oui. Oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour madame. Ouais. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que Laurie a déclaré que aujourd'hui la plupart des femmes avaient des jouets sexuels à la maison et je voulais savoir comment ça se passait chez vous. Qu'est-ce que tu racontes? Ben c'est Laurie, elle est la chanteuse et elle a déclaré ça, donc moi je voulais savoir s'il y en avait chez vous. Je crois que c'est monsieur. Mais tu peux pas me foutre la paix, non? Bah avec vos conneries, il est quelle heure? Oh, il est un peu tôt, mais bon, Faut bien se réveiller un moment. Arrêtez vos conneries, laissez dormir les gens tranquilles. Ça va? Mais sinon, vous avez... Allez, amusez-vous bien. Une chanteuse qui a dit qu'il y avait des jeux sexuels dans la maison. Et... Des jeux sexuels. Attends, est-ce que c'est une histoire à raconter ? Mais l'autre, il continue à raconter sa vie avec le téléphone décroché, ce qui est pas mal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, on va le rappeler, Hein. Allez hop. Bah, visiblement, il connaissait Laurie, enfin une chanteuse. C'est vrai. Oui. Oui, excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je n'ai pas envie de répondre à votre question non plus. Ah oui, mais enfin, vous pouvez me dire. J'ai envie de dormir. D'accord, mais est-ce que vous auriez peut-être un petit canard qui vit? Non, j'ai pas le temps, je dors. C'est pas très. C'est pas. Ça n'a rien à recommencer. Excusez-moi, mais c'est pas flagrant. Non, je ne vous réponds pas. Je dors. Oui, c'est vrai qu'on s'en rend pas bien compte. Hein. Je dors. Eh ben on remet le couvert tout à l'heure alors. Hein. C'est parti, bah oui. On appelle dans moins d'une heure. Il y aura les infos qui arrivent dans un instant aussi. Et puis Neyer maintenant sur Fun Radio, sois vert. C'est Fun Radio, il est 6h59. Dans un instant, je vous appelle en direct pour vous rembourser vos factures cash. Si vous voulez qu'on vous appelle, peut-être pour vous rembourser vos factures dans moins de 10 minutes. Un seul numéro pour s'inscrire, 6322, c'est 1€ le message. Mettez facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis pour nos amis luxembourgeois, il y a un autre numéro, c'est le 621-783-605. Bonne chance tout le monde. Et dans un instant sur Fun Radio, on écoutera DJ Joss également avec I Want You sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Il est 7h pile sur Fun Radio, bienvenue à tous. C'est le 16 décembre ce matin et on passe à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, la tempête Joachim ou Argon s'abat sur la Belgique, mais le vent est moins fort que prévu. Les rafales sont surtout plus fortes dans le sud de la Belgique, jusqu'à 80 km/h. La pluie surtout est au rendez-vous, de nombreuses routes sont inondées, prudence. Heureusement pour l'instant, plus de peur que de mal, il n'y a pas ou très peu de dégâts à signaler, à part quelques caves inondées et un arbre déraciné à Arlon. La tempête quittera le pays vers 14h pour rejoindre l'Allemagne. La tempête qui est d'abord passée par la France et qui a fait plus de dégâts en Bretagne. On apprend ce matin qu'un cargo battant pavillon maltais s'est échoué à cause de la tempête près de la côte du sud de la Bretagne, provoquant une pollution du rivage. Une fuite d'hydrocarbures a été constatée sur l'une des cuves, formant une nappe d'un kilomètre sur 5 mètres, se dirigeant vers la plage d'Erdeven entre l'Orient et la presqu'île de Quiberon. Des barrages flottants vont être déployés pour tenter de contenir la pollution et les autorités préparant une opération de pompage pour vider le navire. Les parents du petit Gabriel, le bébé de 17 mois décédé mardi après l'attaque sanglante sur la place Saint-Lambert à Liège, mettent en garde la population liégeoise face à un phénomène de faux démarchage organisé en vue d'une récolte de fonds. À l'exception de l'action organisée par le quotidien La Dernière Heure avec l'assentiment des parents, il n'existe actuellement aucune autre collecte de fonds officielle approuvée par la famille. Suite au drame de Liège, Elio Di Rupo a présenté à la Chambre 5 domaines d'action pour lesquels une attention et des actions prioritaires sont requises. Le gouvernement entend agir au niveau des armes et plus particulièrement le trafic d'armes illégales et la détention ou l'usage d'armes lourdes. Il focalisera également son attention sur la lutte contre l'économie illégale, la problématique de la récidive, les échanges d'informations ainsi que la prévention. La production de voitures en Belgique a été plus élevée en 2011 malgré l'absence de l'usine Opel à Anvers, fermée voici tout juste un an. Audi à Bruxelles aura atteint son objectif de 120 000 A1 produites cette année. Si la production de 2011 dépasse celle de 2010, elle est loin d'atteindre le niveau de 2001 où l'on produisait encore en Belgique plus d'un million de véhicules. Enfin, sport football, en 6e journée de phase de poule de l'Europa League, le Standard, qui était déjà qualifié, a battu 0-1 Copenhague. Le FC Bruges par contre a obtenu son partage 1-1 tant attendu face à Braga pour se qualifier. Anderlecht, le Standard et Bruges sont en tête de leur groupe pour les 16e de finale. Il est 7h03 sur Fun Radio, le remboursement des factures c'est dans moins de 5 minutes, donc si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, restez bien avec nous, je vous explique comment ça se passe dans 30 secondes. Mais d'abord, c'est la météo. De la pluie pour la matinée en Haute-Belgique. Il neigera temporairement. Ensuite, quelques éclaircies se développeront. Température de 4 à 7 degrés. Demain, il va faire encore plus froid, mais la pluie ne sera normalement plus au rendez-vous. Bon, et le soleil, c'est pour quand alors? Pas pour tout de suite. Ah bah génial. Mais éclaircie cet après-midi quand même. Ah, c'est déjà ça. J'ai cru un moment que tu n'annoncerais que de mauvaises nouvelles. Non. Fun Radio. Bon, t'es pas comme ça. Il est 7h04, bon réveil et bon courage si jamais vous sortez, parce que c'est toujours très désagréable de sortir chez soi, c'est quand on est encore à moitié endormi et qu'on se prend de la flotte en pleine tronche. C'est ce que j'ai eu un petit peu ce matin, mais ça réveille, et ça c'est ouais, bien. Ouais, non mais ça réveille, mais par contre tu sais, t'arrives dans ta voiture, il fait froid ou tu dois marcher jusqu'au transport, c'est encore pire. Donc bon courage, voilà, vraiment je suis tout cœur avec vous. 7h04, dans un instant je vous rembourse vos factures, si vous voulez qu'on vous appelle en direct pour vous rembourser vos factures. Eh bien c'est simple, un petit message à envoyer au 6322, vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, ou alors par SMS depuis le Luxembourg au 621 783 605, et pour la Belgique le 6322, comme par exemple 100 euros pour des cadeaux de Noël, 50 euros pour des cadeaux de Noël, un accident de voiture en vacances, 800 euros. Ah ouais, ça fait chier pour les vacances ça quand même hein. Qu'est-ce qu'il y a, 147 euros pour des matériaux pour achever des travaux, mais je ne sais pas de quoi, le message n'est pas passé en entier. 200 euros pour les contributions, 138 euros pour l'assurance, 25 euros pour un percolateur, pourquoi pas, ou encore 60 euros pour un blazer et un pantalon. Bon, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, vous vous inscrivez, comme je le disais, au 6322, bonne chance. Quelle est l'info en plus? Eh bien, je sais pas si tu connais la loi Hadopi. Oui, bien sûr, en France, c'est contre le piratage, enfin, contre voilà. Le téléchargement illégal. Exactement, c'est la loi qui condamne le téléchargement illégal. Eh bien, sache qu'à l'Elysée aussi, on télécharge illégalement. Mais oui, c'est normal. Bah, bien sûr, attends, ils vont pas payer, hein, ils ont tout gratos, c'est bah, le patron. C'est quand même la résidence présidentielle. Mais donc, justement. Résidence de Nicolas Sarkozy. En fait, un petit malin est parvenu à dénicher les adresses IP de l'Elysée. Après, il a suffi d'utiliser le site youhavedownload.com qui permet de connaître, en fait, l'historique des téléchargements selon une adresse donnée. Et donc, il y a eu le résultat. On a pu constater qu'en fait, bah, par exemple, il y a Mission Noël qui a été téléchargée à l'Elysée, Échange Standard ou la casse de Central Park. Ainsi mais oui, que pourquoi pas. Best-of des Beach Boys. Mais aussi. Tu sais, c'est à mon avis les mecs de la Sécu qui font ça. Parce que dans la radio où on était avant, les mecs ils passaient leur vie à faire ça quoi. Mais c'est possible. Ils se font tellement chier parce qu'il se passe rien. Heureusement, dans un sens, tu vois. Il y a ces gosses aussi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'après il y a les gosses, ouais. Voilà, donc écoute, c'est possible. Et on en apprend aussi qu'il y a des manuels pour mieux cuisiner aussi ou améliorer productivité. Bah, mais bien sûr. Là par contre, ça peut toucher Nicolas Sarkozy. C'est vrai. C'est pas des manuels pour fabriquer des bombes et tout, ça va. Ouais, ça va. C'est ouais. Ça, t'imagines un peu. Bon, 7h06 sur Fun Radio, tiens, il y a un message qui dit: coucou l'équipe, je préfère affronter la pluie plutôt que d'écouter le colonel Rayel. Big up à Mirko, donc il n'aime pas les colonels Rayel. Hein. On va le savoir. Tous les jours, il y a un petit message contre le colonel Rayel. Donc voilà, normalement, il est déjà passé, il passera plus avant 9h30, Mirko. Colonel. Comme ça, t'es tranquille. Ah bah ouais, je sais, le public est déçu malheureusement. Oh, oui, très. Bon, allez, dans un instant, Tayo Cruz avec Florida et Hangover. Je vous rembourse aux factures au 63. Et comme promis, c'est DJ Just, Magic Cut et Mendy. Maintenant, c'est I Want You sur Fun Radio. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. C'est exactement comme ça que ça se passe. Vous avez tout compris, à 7h09, enfin 7h10 en règle générale, 7h10, 8h10 et 9h10, on appelle chez vous et on vous paye vos factures. Non, ne nous remerciez pas, nous sommes trop bons, Jean. On le sait. C'est... Enfin, surtout moi, dans l'absolu. Oui, hein. Enfin, c'est moi qui appelle. La modestie, tout ça, tu connais pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, alors, on appelle quelqu'un maintenant. Vous avez été nombreux à vous inscrire au 6322 pour qu'on vous rembourse vos factures. Eh ben, écoute, il n'y a pas de problème. On va y aller maintenant. Hein. On s'inscrit. Enfin, c'est trop tard maintenant, là, mais pour l'heure prochaine, éventuellement. Et on appelle quelqu'un qui s'est inscrit. On va rembourser les cadeaux de Noël. Ah, ben voilà, tu vois, ça, c'est l'esprit de Noël, ça. Enfin, on y arrive. Mais oui, on y arrive à l'esprit de Noël. Enfin, mais c'est pour dire ça, Max, tu peux te taire. Elle est en forme, Julie. Ah non, voilà, taquet, Julie, en pleine forme. Non, mais les stagiaires qui ne servent à rien. Elle est en pleine forme. Ça va clasher. Oh ouais. Là. Attends, pour l'instant, ça décroche pas surtout. Ah, mais ce qui était bien, c'est qu'hier, il avait pas de micro. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Oh. Vous êtes dans c'est pas esprit de Noël, ça. Avec la boîte à messages de. Zéro. Oh, pourquoi ils disent pas un nom le ça, les dommage, gens ouais. Là bah ouais on sait même pas à qui on s'adresse du coup là, c'est dommage. Bon et bah tant pis, en tout cas du coup ça vous permet vous de repartir peut-être avec bah déjà avec plus de chances de repartir avec le remboursement des factures. Pour terminer, voilà. Car à 8h10 on appellera que ceux qui se seront inscrits entre 7h10 et 8h10. Voilà, grâce à il ou elle, je ne sais pas. Allô, bonjour, c'est Mickaël. Tu t'étais inscrit pour le remboursement d'une facture, le remboursement de cadeaux de Noël. Bon, j'en sais pas plus, mais bon, bah, du coup, c'est dommage, hein, parce que, bah, on va pas te rembourser tes cadeaux de Noël, forcément. Donc, bah, c'est pas grave, tu peux t'inscrire comme tous les autres, hein. À 8h10, on rappellera quelqu'un qui se sera inscrit entre 7h10 et 8h10, car quand ça ne décroche pas, c'est ce qu'on fait. Voilà, bon, bah, bonne chance tout le monde, et puis, bah, bonne journée à toi quand même, hein, sous la pluie, probablement, comme tout le monde. Bonne chance tout le monde, 63-22 pour l'inscription. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, ou alors tout simplement par SMS pour le Luxembourg au 621 783 605. Voilà, dans un instant sur Fun Radio, c'est Tayo Cruz qu'on écoutera. Tayo Cruz avec Hangover sur Fun Radio. Il y aura l'horoscope de Doudou, bien évidemment, qui débarquera juste après ça. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Il est 7h16 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Ah, Doudou, hier vous m'avez annoncé un bon horoscope là, comme quoi j'allais gagner de l'argent, tout ça. Oui, tout à fait. J'espère que vous êtes pas trompé. Ah, moi je dis ce que les astres lui disent. Hein. Je me suis offert une Porsche hier. Moi je me suis que l'intermédiaire. Oh, t'as bien fait. Tiens. Bah oui, mais comme non, mais c'est parce que je comptais pas. Mais je me suis dit, bon, Doudou m'a dit que j'allais gagner la blinde hier. Je me suis dit, bon. Mais oui. Mais avec quel argent tu t'es acheté cette Porsche? Ça m'inquiète. Bah avec une signature. Après, les emmerdes arriveront plus tard. Mais c'est beau, c'est bien de vivre comme ça, nickel. Les poissons sont pas au lendemain. Dans un premier temps, tout va bien. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème, hein. Tant qu'elle est pas livrée, faut pas payer. Oui. Non, mais c'est surtout que tant que c'est le premier mois, ça va. Ouais, c'est vrai. C'est une fois la fin du premier mois que ça pose un problème. Enfin bon. Bon, les béliers, Doudou. Alors, vous avez pas intérêt à avoir dans son inverse. Hein. Non, pas du tout. Je voulais dire que pour réussir, il faut savoir s'organiser. Alors, fixer un ordre chronologique dans vos tâches. D'accord. Je crois que l'hub, il est bélier aussi. Oui. Les taureaux. Alors, les taureaux, si vous êtes pris entre deux feux, n'essayez pas de jouer les Saint-Bernard. Les gémeaux. Cette journée se passera calmement, presque de façon monotone. Les cancers. Ah, enfin, le seul signe intéressant. Vous y êtes presque arrivé. Le temps va jouer en votre faveur. Ah, enfin, bah, ouais, tout ce travail, ça ne sera pas pour rien. Oui, presque arrivé aux vacances définitives. Je ne sais pas où, hein, mais voilà. J'arriverai quelque part, en tout cas, ça c'est bien. Les lions. Je rappelle que j'ai dit le temps joue en toi faveur. Il y a peut-être un rapport avec la voiture. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, bon. Ah oui, peut-être. Les lions. Ah, vos pensées sont déjà ce soir. Si vous le pouvez, quittez très, très tôt le travail. Les vierges. Allez, cette journée n'est pas aussi mauvaise que ça. Bah non, les balances. Aujourd'hui, vierge donc. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, personne ne pourra vous retenir à la maison. Vous êtes plein d'énergie. Les scorpions. Les détents derniers, votre patience a été mise à rude épreuve. Les Sagittaires. Sortez de vos habitudes et planifiez quelque chose de fou. Les Capricornes. Battez-vous avec détermination, le succès arrive tout seul. Les Verseaux. Vous avez de bonnes cartes pour les affaires financières et allez avec courage à vos rendez-vous aujourd'hui. Bon, et pour finir, les Poissons. Accordez-vous aujourd'hui une pause et profitez de la soirée au sein de vos êtres chers. Très bien, merci Doudou, on vous retrouve tout à l'heure. Oui, bien sûr, pas de problème. Eh ben, j'imagine bien. Bah, je me doute bien. Allez, on va s'écouter un bon vieux son, tiens, ça fait plaisir. Thierry Kelly maintenant, c'est Home Alone sur Fun. R. Kelly sur Fun Radio dans un instant. Lucenzo avec Don Omar. Et puis il y a un message qui est arrivé qui dit flash sur la sortie N4 pour monter sur la E411 à Courrières. Donc faites attention si vous êtes effectivement à cet endroit là. Et puis il y a un message qui dit c'est juste dommage que ce n'est pas Fun Radio qui paye les factures. Oui, bah, je comprends si pas ce très n'est pas bien. Fun Radio, je me demande bien qui c'est. Oui, bah, ce n'est pas moi. Non, c'est Musique 3 en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est eux qui nous payent les factures, hein, c'est pour ça en fait. Comme ça, nous on peut les payer aux gens. Voilà, ça, c'est ça. Bien. C'est beaucoup merci, plus. En tout cas, merci Musique 3. Hein. Ouais. Ah, merci l'RTBF. C'est quand même. Des mecs sympas. Chapeau, chapeau. Ouais. RTBF qui a beaucoup d'argent pour l'instant. Mais j'ai compris, parce que Musique 3, c'est l'État. L'État, ce sont les gens qui nous écrivent, donc du coup, indirectement, c'est eux qui payent les factures. C'est pour ça. D'accord, alors on s'excuse. Merci voilà, pour votre argent. Effectivement, merci Musique 3. Oui, surtout. Non, mais il faut les remercier. Non, mais merci c'est normal. L'État. Enfin, merci, oui, merci. L'État. Bah, donc merci nous, merci vous, ouais, merci, merci tout le monde. Merci. Voilà, merci, on remercie l'homme. Tout le monde, c'est merci. Génial, c'est beau. Je vous dis merci. Ouais, par contre, lui paye pas ses impôts encore, donc calme-toi un peu. Hein. Alors, merci pas tout de suite encore. Hein. Un jour peut-être. Ouais, un jour peut-être, enfin, non, il arrivera. Il vivra mes crochets. C'est vrai. Bon, allez, je vous avais parlé de cette grande émission là qui passe sur NT1, ceux qui ont le satellite. C'est tous différents où des célibataires cherchent le grand amour. Voilà. Et donc ce matin, on va faire connaissance d'un nouveau cas. Nous sommes en Suisse, dans la ville de Lausanne, à la rencontre de Nicole. À 37 ans, cette jeune femme s'éclate dans son métier de coach sexuel. Et oui, donc voilà. Donc, wow, elle s'éclate. Alors, déjà, coach sexuel, ça met un peu dans l'ambiance. Comme ça, on voit directement. Hein. Donc, on commence par la rupture de Nicole qui se passe en douceur. Juste parce que j'aime Bernard Tapie et je l'admire. Toi, tu me sors, pauvre conne, devant tout le monde. C'est ce que je mérite. Oui, effectivement, à y réfléchir, ouais, je crois que c'est ce que tu mérites. Ouais. Lui, c'est un champion. Hein. Ah, et donc, le mec se démonte pas, donc il en remet une petite couche avant de partir quand même. Hein. C'est vrai, bah, je t'ai traité de connasse, oui, c'est clair, parce que t'as agi vraiment comme une connasse. Quoi. Voilà, bon, bah du coup, forcément. Ouais. Bah, d'accord avec. Bah ouais, donc bah, du coup. L'homme. Du coup, Nicole bah, retourne forcément sur le marché des célibataires et elle rencontre tout de suite un mec bien. J'ai pas l'impression de l'avoir menti, je l'ai pas dit, mais la question s'est pas posée. Voilà, donc en fait c'est un menteur qui ne veut pas l'admettre en fait tout simplement. C'est ça, ouais. Voilà, c'est un détail qu'il avait oublié, donc une femme, des enfants, c'est pas comme si c'était vraiment important dans l'absolu, hein, mais. Ah non. Bah non, mais ah voilà, non. C'est ça. Mais en même temps, Eric, il savait pourquoi il était venu justement. Hein. Qu'est-ce que vous attendiez de la soirée? Ah oh bah moi, j'attendais de l'attraper, quoi. Qui voulait juste attraper. Mais au moins il est franc, tu vois. Non, voilà. Peut-être la floche, tu sais bien, dans les manèges. Ouais, c'est la floche qui tente d'attraper. Ouais, je crois que c'est pas c'est ça. Je crois que tu es un peu fleur bleue, Julie. Ouais, c'est ça. Et donc, forcément, quand Nicole lui dit non, bah forcément, il comprend pas. Et comme elle était dans un mood. Éclate, rigole, etc. Et je me suis dit, super, quoi, c'est l'autoroute. Et oui, c'est l'autoroute. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Ouais, ouais. Et donc, visiblement, il a pas dû prendre la bonne sortie. Hein. Dommage. Eh oui, dommage. Ouais. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Enfin bref, on va dire ça. Effectivement, que c'est dommage. Et bon, et pour finir, la petite perle hein, qui va forcément nous rappeler que le français est une langue malgré tout un peu compliquée. Voilà, je recherche un homme sérieux, qui soit marrant, gentil, qui souhaite prendre, qui souhaite prendre soin de moi. Je vous en mets une petite couche. Ah oui. Voilà, je recherche un homme sérieux. Qui soit marrant, gentil, qui souhaite prenne soin de moi. Voilà. Et oui, qui souhaite prenne soin c'est de moi. C'est surtout le principal, quoi. Oui, oui, oui, voilà, c'est ça, c'est le principal. Donc, grande émission. Si vous avez. C'est ce qu'on cherche tous, hein, des gens qui souhaitent prenne soin de soi. Donc, si vous avez le satellite, surtout, n'hésitez pas à regarder ça, c'est sur NT1, bien évidemment. Et nous avons Vanessa qui est avec nous maintenant. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, et vous? Bon, ben oui, ça va bien, on est en pleine forme, là. T'es là pour la petite chanson, la chanson qui m'a réveillée ce matin. Hein. C'est bien ça. Eh bien, c'est celle-là, écoute bien. Voilà. C'est douloureux, hein, comme réveil. Bah ouais, il y a pire, hein, cela dit, hein, mais... Voilà, bon, alors c'était quoi, Vanessa? Rita Mitsuko. Eh ben oui, Rita Mitsuko, effectivement, oui, tout à fait, bonne réponse avec bien c'est joué. Comme ça. Le public est en délire. Et oui, le public oui, apprécie, ouais. Effectivement, oui. Bon, eh ben, bravo à toi, Vanessa, 28 ans de Vilvorde. Tu vas repartir donc avec un des cadeaux. Tu vas choisir ça avec le beau standard, hein, écran plat, home cinéma LG. Il y a également des caméras vidéo numériques ou alors des lecteurs MP3. Tu vas gérer ça hors antenne, Vanessa. Je vous entends très mal en fait. J'entends... Voilà, ça va mieux. Ah, pourtant, je n'ai rien fait. Hein. Ah oui, c'est pas mal. J'ai absolument rien changé. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Tu vas rester au standard, on va tout expliquer hors antenne, d'accord? D'accord, ça va. Je te fais des bisous, Vanessa. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut, ciao à toi. Et puis, bah, vous aussi, vous allez pouvoir repartir avec votre home cinéma, peut-être votre écran plat également dans quelques instants sur Fun Radio. Restez bien là. Je vais vous poser une petite devinette qui colle dans un instant, justement. Et si vous avez la réponse, eh bien, vous repartirez peut-être comme Vanessa. Avec tous les cadeaux. Il y aura l'info de Julie dans un instant également. Et Kerry Hilson également. Ce sera Lose Control sur Fun Radio. Restez là. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Lucenzo et Don Omar sur Fun Radio, Danza Kuduro. Si vous aimez ce style de musique, ne l'oubliez pas, ce soir à partir de minuit, c'est l'Invasion Latina, la seule émission avec de la musique latino sur Fun Radio. C'est entre minuit et 1h du mat avec Manu. Si vous voulez d'ailleurs lui envoyer un petit mail pour lui proposer quelques titres, n'hésitez pas, manu@funradio.be. Invasion Latina, c'est ce soir juste après Keep It Real avec Vince, DJ Man et Flash, bien évidemment, qui sont là en pleine forme à partir de 20h. Dans un instant, c'est l'info de Julie qui va arriver, et puis la devinette qui colle maintenant. La devinette qui colle, bah vous le savez, c'est pour repartir avec un écran plat ou avec par exemple un home cinéma LG. Écoutez bien la devinette qui colle. Il peut être fait de soie ou encore de chocolat. Ce parfait quadrilatère est une belle main au poker. Qui est-il? Ouais. Il y en a un à Willebroek et un autre, mais qui est différent, à Liège. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, il peut être fait de soie ou encore de chocolat. Ce parfait quadrilatère est une belle main au poker. Qui est-il ? La bonne réponse au 63-22, c'est 1€ le message. Écran plat ou home cinéma LG, entre autres, à gagner. Ou pour nos amis Lulu au 621-783-605. 7h31 sur Fun Radio, c'est l'heure de passer à l'actu maintenant avec July. Bonjour à tous. La tempête Joachim ou Ergun s'abat sur la Belgique, mais les vents sont moins forts que prévu. Par contre, les rafales sont plus fortes dans le sud de la Belgique, jusqu'à 80 km/h. La pluie surtout est au rendez-vous. De nombreuses routes sont inondées. Soyez prudents. Heureusement, pour l'instant, plus de peur que de mal. Il n'y a pas ou très peu de dégâts signalés, à part quelques caves inondées ou un arbre déraciné à Arlon. La tempête quittera le pays vers 14h pour rejoindre l'Allemagne. La tempête qui est d'abord passée par la France, privant d'électricité 200 000 foyers. Et à cause de la tempête, un cargo battant pavillon maltais s'est échoué vers 2h du matin près de la côte sud de la Bretagne, provoquant une pollution du rivage. Une fuite d'hydrocarbures a été constatée sur l'une des cuves, formant une nappe d'un kilomètre de long. Des barrages flottants vont être déployés pour tenter de contenir la pollution et les autorités préparent une opération de pompage pour vider le navire. Les parents du petit Gabriel, le bébé de 17 mois, décédé mardi après l'attaque sanglante sur la place Saint-Lambert à Liège, mettent en garde la population liégeoise face à un phénomène de faux démarchage organisé en vue d'une récolte de fonds. À l'exception de l'action organisée par le quotidien La Dernière Heure avec l'accord des parents, il n'existe actuellement aucune autre collecte de fonds officielle approuvée par la famille. Suite au drame de Liège, justement, Elio Di Rupo a présenté hier à la Chambre 5 domaines d'action pour lesquels une attention et des actions prioritaires sont requises. Le gouvernement entend agir au niveau des armes et plus particulièrement le trafic d'armes illégales et la détention ou l'usage d'armes lourdes. Le gouvernement focalisera également son attention sur la lutte contre l'économie illégale, la problématique de la récidive, les échanges d'informations ainsi que la prévention. La production de voitures en Belgique a été plus élevée en 2011 malgré l'absence de l'usine Opel à Anvers, fermée voici tout juste un an. Audi à Bruxelles aura atteint son objectif de 120 000 voitures A1 produites cette année. Si la production de 2011 dépasse celle de 2010, elle est loin d'atteindre le niveau de 2001 où l'on produisait encore en Belgique plus d'un million de voitures. En République démocratique du Congo, 5 chefs de centres de vote lors des élections législatives et présidentielles du 28 novembre dernier ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir falsifié les résultats de 2 candidats. Et puis enfin, en sport football, en 6e journée de phase de poule de l'Europa League, carton plein pour les clubs belges. Le Standard, qui était déjà qualifié, a battu 0-1 Copenhague. Et surtout, le FC Bruges a obtenu son partage 1-1 face à Braga. Et il est 7h33 sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez. Kerry Hilson arrive avec Nelly et Lose Control. Et puis là, il est 7h34, c'est l'heure de la météo. De la pluie, surtout pour la matinée en Haute-Belgique. Il neigera temporairement, comme je viens de le dire. La tempête qui passe au-dessus de la Belgique avait heureusement des vents moins violents que prévu. Cet après-midi, quelques éclaircies, température de 4 à 7 degrés. Demain, il va faire encore plus froid. Mais normalement, la pluie ne sera plus au rendez-vous. C'est déjà ça de prix, effectivement. Bon, ça se passe au 63-22. Donc, si vous avez la bonne réponse à la devinette qui colle, je vous la rappellerai d'ici quelques instants. Mais là, on va passer immédiatement à 7h34 à l'info en plus. C'est hallucinant. Hein. Le propriétaire d'un véhicule devra normalement s'acquitter d'un ticket de parking qui coûte quand même 51 000 euros. Mais tu m'étonnes que les Luxembourgeois sont. Mais tu m'étonnes que les Lulus sont blindés. Non, c'est normal. Ça se passe à Luxembourgville. Bah tiens. Tof, tu as. Oui. Non, je voulais juste dire, faut préciser quelle voiture. Oui, alors c'est une Citroën BX. Non, c'est pas grand chose. Mais tu sais que elle date d'il y a tellement longtemps qu'elle peut valoir les. Non, en fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour la petite histoire. Non, mon ancêtre, non. Cette voiture est garée dans un parking donc à Luxembourgville depuis 5 ans et à raison de 26,90€ par jour le parking qu'on doit payer. Maintenant, le propriétaire du véhicule doit 51 000 euros de frais de parking au parking, forcément, où il a laissé sa voiture. Bah, problème, les propriétaires du parking refusent de la faire sortir puisqu'ils disent que c'est le propriétaire qui doit le faire lui-même. La voiture est immatriculée en France, mais le propriétaire est inconnu. Bon, alors, je pense que soit il a abandonné son véhicule, soit malheureusement il lui est arrivé quelque chose de très grave. En tout cas, la voiture est recouverte d'une grosse couche de poussière et, le propriétaire doit payer 51 000 euros pour sortir son véhicule. Je ne suis pas certaine Bah, pour une BX, moi j'irais pas. Ouais, franchement, ouais. Franchement, pour une BX, c'est quand même très très dur, effectivement. Je crois que c'est devenu un peu la mascotte du parking, à mon avis, après 5 ans, à un moment donné. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, enfin bon. 7h35, j'ai la réponse, l'auditeur qui dit dommage que c'est pas fun, qui paye les factures, et on avait demandé pourquoi. Il dit non, ce sont les auditeurs. Putain. Oh, c'est maître. Oh là là. Non, c'est très dur, parce que t'imagines, je me suis fait entuber. Moi, je pensais que l'euro-million, c'était l'euro-million qui payait. Et pas du tout, ce sont les gens donc qui achètent un ticket. Donc on me ment ? Mais oui. La théorie du complot. Je trouve ça honteux et scandaleux. Scandaleux, on nous ment en permanence. Oh là là, je c'est suis. C'est dégueulasse. Comme quand je prenais un billet avec Air France pour aller en vacances, moi je pensais que c'était Air France qui me proposait de partir pour 300-400 € à New York. Mais en fait, non, c'est l'addition de tout le monde. Ah ouais. Ouais, complètement. Ah ouais. Je suis scandalisé. Désolé, Mickaël. Oh là là, ce monde qui va s'écrouler. Ma journée est foutue. C'est Fun Radio, il est 7h39. Allez debout là-dedans, il va falloir aller bosser maintenant. Hein. Bah ouais, parce que nous, on y est depuis un petit bout de temps maintenant. Hein. Julie a dû affronter le froid pour venir jusqu'à la radio. Je suis carrément ici depuis 2h du matin pour être sûr d'être à l'heure. Bah, pour préparer ses infos, parce qu'en fait, elle les invente, les infos, faut le savoir. C'est pour ça qu'elle met plus de temps. J'improvise. Parce qu'en fait, le coup de la BX au Luxembourg, c'est faux. Mais oui, hein, c'est sorti de sa tête en fait. Ouais. Qui abandonnerait BX au Luxembourg ? Il n'y a pas de pluie non plus. Non, exactement. 7h39, dans un instant, Likili sur Fun Radio, ça va arriver. On jouera tout à l'heure également. Eh bien, un grand jeu que toutes les radios voudraient avoir. J'ai déjà eu des propositions, effectivement, de grosses sommes. Hein. On m'a proposé ça en blague sous la table. J'ai refusé, bien évidemment. Mais je suis bon, intègre. Et donc, mais oui, tout à fait. Et donc, justement, ce nouveau jeu est le Frit Code Game. Voilà. Et attention, il est vendu avec l'habillage, tout ça. Hein. Donc, au cas où. Surtout l'habillage. Et donc, du coup, enfin, l'habillage, c'est le petit jingle, évidemment. Donc, si vous voulez jouer au Frit Code Game, c'est dans moins d'une heure que ça se passe. Pour les inscriptions, 6322 code Frit, tout simplement. Et puis, on va également vous rappeler la devinette qui colle pour repartir avec vos écrans plats ce matin. Les écrans plats avec aussi le home cinéma, par exemple, si vous voulez gagner ça. Choisir l'un ou l'autre, vous jouez avec nous. Il peut être fait de soie ou encore de chocolat. Ce parfait quadrilatère est une belle main au poker. Qui est-il ? Si vous avez la bonne réponse, il en existe deux en Belgique, notamment un à Willebroek et un autre qui se trouve à Liège. Voilà, bon, c'est pas la même chose. C'est un endroit... fréquentable et l'autre un peu moins. Oui, c'est ça, voilà. Et à Liège, on appelle ça également Gerblande. C'est vrai, parce qu'au final, malheureusement, si tu y vas, il faut faire attention là où tu marches. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc 6322, c'est 1 € le message, ou pour nos amis Lulu, au 621-783-605. Voilà, bonne chance tout le monde. Et puis, bah, nous, on va revenir dans un instant sur Fun Radio avec le son, comme promis, de Likili. Likili, ce sera I Follow Rivers dans quelques instants. On parlera aussi de l'infotrafic. Nous aurons aussi avant 8h la ligne anti-relou. Et on fera chier du monde, bien évidemment, avec Toff, avec la petite question du jour. Ne bougez pas. Likili à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Likili à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Likili à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. 7h46 sur Fun Radio, de l'infotrafic également. Il y a un auditeur qui nous signale 1h45 de file entre Aupin et Tervuren. Donc à éviter, c'est Gwen qui nous signale ça. Oui, ça va mal sur les routes ce matin. Ah oui. À cause de la pluie, les chaussées sont inondées. Soyez prudents. Accident sur la N5 à hauteur de Jamagne, depuis Rocroi en direction de Charleroi. C'est la bande de gauche qui est obstruée au kilomètre 74. Accident sur le 17 Gand en direction de Anvers à hauteur de Asdon. Bande de gauche et du milieu qui sont obstrués au kilomètre 89.7. La chaussée est fermée sur le ring de Gand en direction de Merolbecueil parce qu'il y a un accident forcément une fois de plus. Et chaussée inondée sur le ring d'Anvers en direction des Pays-Bas à hauteur de Teinsman Tunnel. Chaussée, situation dangereuse, des grosses files à cet endroit. Très bien, donc faites gaffe si vous êtes sur la route en ce moment, si vous sortez de chez vous, si vous êtes dans la voiture et si vous êtes témoin d'un problème, d'un flash, d'un bouchon, n'importe quoi, 3044, faites jouer la Fun Solidarité ou gratuitement sur mikl@funradio.be. Je vous avais promis Likili, c'est I Follow Rivers maintenant sur Fun Radio. Bonne matinée. Dans un instant sur Fun Radio, il y a le son de Martin Solveig qui arrivera avec Dragonette, ce sera Big in Japan. Nous allons encore appeler du monde en Belgique pour vérifier si les femmes utilisent, comme Toff l'avait découvert, on en parlera dans un instant, dans une autre info, que les femmes utilisaient encore souvent d'ailleurs un sextoy. Voilà. C'est Laurie qui le dit, c'est pas c'est moi. Laurie, moi, c'est vrai. Je me serais pas permis. C'est vrai, c'est Laurie la chanteuse qui le dit, donc on vérifiera dans un instant. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Et avant d'écouter Martin Solveig justement avec Dragonette et Big in Japan, nous avons maintenant les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, le 0473 86 00 13. Tiens, il y a un message qui est arrivé. Julien, on te kiffe. Julien et Aurélio, les jardiniers. Oh petit, je vous embrasse les jardiniers. Oh. Contrôle de police également au rond-point de Gosley a priori. Très bien. Et un message, donc toujours 1h45 de fil entre Aupin et Tervuren. Donc à éviter, c'est Gwen qui nous avait envoyé le message, je le répète au cas où, parce que 1h45 de fil, ça fait quand même mal. Ça fait très très mal quand on tombe dedans. Faut se méfier. Ça va être un peu le bordel effectivement sur les routes ce matin. Il y a de la pluie. Et surtout faites attention au tunnel. Moi j'ai été surprise. Il y a beaucoup d'eau évidemment au milieu. Ah ouais, oui. Donc soyez super prudents. Voilà, faites attention. Bon allez, ligne anti-relou maintenant pour détendre un peu l'atmosphère. On écoute le premier message. Oui Aurélie, c'est Brian. Je sais pas moi, hier j'étais dans le bar, t'es sorti, t'es plus revenu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Étonnant. Je te rends compte en veine, parce que tu m'as dit qu'on allait dans les toilettes. Et c'est bien, hein, je m'appelle toujours Brian. Hein, et, ah oui, ça. Je fais toujours venir. Hein, et tu vas m'appeler quand tu veux, au 04. Merci. Salut. Non, j'aime bien le salut. Salut. Et Julie, tu m'avais donné rendez-vous dans les toilettes, bah c'est toujours Brian. Je comprends pas, t'es parti, tu n'es pas revenu. Bah oui, oui, comme forcément. Coincé à l'intérieur. Ouais, c'est ça, je suis dans les toilettes, j'attends. Je suis coincé, viens m'ouvrir. Allez, deuxième message. Oui, bonjour, c'est Henri. Tu peux me retéléphoner, c'est pour savoir si tu serais libre et combien est-ce que tu prends. Merci. Eh oui, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, ça vous fait rire, ça, évidemment. Hein. Bah oui, oui, bah oui, quand même. Bah bien sûr, on est des mecs, hein, après. Hein. Puis tu sais, nous, on a l'humour facile. Bah c'est oui, ça. C'est surtout ça. Mais oui, on rigole avec un rire. Troisième et dernier message pour cette heure-ci. Hélène, bonsoir, c'est Marc à l'appareil. Oui, Marc. Ah voilà, comme promis, je t'avais dit que je sonnerais entre 17 et 18h. Mm, oui. Bon, ce n'est pas toujours agréable de parler à un répondeur, parce qu'il n'y a pas du répondeur. Mais bon, c'est pas grave. Tu as mon numéro. Ou bien je te rappellerai plus tard. Mais oui. D'accord. Oui. Allez, je t'embrasse. Allez, allez, je gros bisous. Hein. Ouais. Bon, je vous rappelle que ce numéro peut vous sauver la vie. Ça se passe je recommence. C'est sur le 0473 86 00 13. J'ai eu un petit bug, c'est bon, on a rebooté, tout va bien. Numéro à retenir, car il peut vous sauver d'une soirée qui a l'air pourrie, parce qu'il y a plein de relous, en tout cas un qui vous prend la tête depuis une heure. Vous le donnez ce numéro, vous vous en débarrassez, c'est parfait. Demain au Coliseum à Charleroi, Fun Radio fêtera ses 20 ans d'ailleurs au Coliseum à Charleroi, venez nombreux, vous donnerez ce numéro de téléphone à Tov, bien évidemment. On sera là avec deux. Je vous rappellerai immédiatement. Ah, j'ai vu la tête des deux hôtesses, je pense qu'on va être bien demain. Oui, enfin, tu vas être bien, parce que moi, comme d'habitude, quoi. Bon, c'est en général, c'est toi qui lèches sur leur corps un petit peu de chantilly. Enfin, bon. Mais attendez, vous allez vous calmer. Après, ici, moi, je dis ça. Bah quoi, c'est pour les jeux, c'est pour gagner des voyages. On offrira des voyages avec hôtel, tout le bazar là. Oh, pas cool, hein. Ah mais ça va être bien, tu vas voir. Non, on a un métier difficile, tu te rends pas compte. Bien sûr, on est à plaindre, c'est évident. Mais je rappelle que Julie sera en gogo show. Bien évidemment, et c'est moi qui mettrai la crème chantilly. Ah bah quelle bonne nouvelle, tiens. Martin Solveig sur Fun Radio l'instant avec Dragonette, c'était Big in Japan. Bonne matinée avec nous. Il y a toujours les écrans plats ou les home cinéma qui sont à gagner ce matin. Et je vous répète pour ça la petite devinette qui colle. Attention, écoutez bien, il peut être fait de soie ou encore de chocolat. Ce parfait quadrilatère est une belle main au poker. Il en existe un à Willebroek, il en existe un autre à Liège. Est-ce que quelqu'un a un autre indice éventuellement, Teuf, Julie, un des stagiaires? J'ai toujours pas trouvé la réponse donc. Diez, effectivement, ouais, sur le télé. Oui, c'est vrai. Bah attends, Julie n'est pas bête. T'as vu ce petit stagiaire là qui arrive? Oui, ce n'est pas bête. Mais où est-ce que tu l'as bien? Ouais, c'est je ça. Dis rien. Bon, par contre, Max qui elle aime pas Max. Ouais, bah bon, je m'adapte. Ouais, bah t'as pas le choix de toute façon. Hein. C'est bien parce qu'il a un t-shirt avec marqué student, tu vois. Tu sais, c'est pour qu'on le voit bien. Mais t'inquiète, on avait compris que t'étais étudiant. Bon, allez, c'est parti. On va donc appeler du monde là pour faire chez le monde justement. J'allais juste rappeler 6322 si vous avez la bonne réponse. C'est 1 € le message ou alors le 621-783-605 pour nos amis luxembourgeois. Bonne chance tout le monde. Bon, on va appeler à Senzei ou Sanzei, je sais pas comment on dit. Je ne sais pas. Mais on peut faire avec ou sans, c'est pas grave. Bah, on va faire ça comme ça, effectivement. Merci pour cette vanne. Parce que Laurie a dit qu'aucune fille ne pouvait se passer d'un sextoy. Non, elle a pas dit ça. Elle a dit qu'aujourd'hui, les femmes étaient modernes et que donc elles savaient aussi bien se servir d'une perceuse que d'un sextoy. D'accord. Et que la plupart des filles avaient des canards vibrants à la maison. D'accord. Ça, donc c'était on va... son propos. Et donc, on appelle pour vérifier si effectivement c'est le cas. Exactement. Bon, allez, direction Senzei ou Sanzei, je ne sais pas. Mais peu importe. Principal, c'est que ça décroche. Forme géométrique également. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle suite aux déclarations de Laurie. Et vous savez Laurie, monsieur. Vous connaissez pas Laurie, la chanteuse? Mais non. Elle était, elle, c'était avec son grand décolleté à l'élection de Miss France. Et alors, monsieur? Eh ben, elle a déclaré qu'aujourd'hui, les femmes modernes avaient toutes des sextoys à la maison. Et donc, je voulais savoir quand, ce que vous aviez chez vous. J'en ai rien à foutre. Oui, d'accord, mais... Ouais, c'est ça, allez. Au revoir, monsieur. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, par contre. Au revoir, monsieur, ça ne vous regarde pas. Bah si, sinon je vous appellerai pas. Au revoir, monsieur. Bah attendez, vous pouvez y répondre. Au revoir, monsieur, j'ai dit. Oui, mais moi, je veux une réponse. Il a dit au revoir. Oui, bah d'ailleurs il t'a raccroché, on est, tiens. Hop là, ça s'est plié. Bon, on va le rappeler, il avait l'air tellement sympathique. Mais hein, je sens l'homme agréable. Ah, mais tout à fait, trop agréable. Allez hop, retour à Sensei. Ou Sensei. On a pas marre. Bah excusez-moi, mais je vous ai posé une question, vous pourriez répondre. Écoute-moi bien, mon vieux, je sais pas qui t'es, d'accord. Mais si je t'avais en face de moi, je te répondrais honnêtement. Ah bah si vous voulez, on peut se rencontrer alors si c'est juste ça le problème. Mais quand tu veux, mon vieux. C'est vrai, non, parce que moi j'aimerais bien avoir une réponse. Ça m'a touché, enfin ça m'a choqué un petit peu ce qu'elle disait. Moi je la crois pas, quoi. Ah, décidément, hein, il a... Bah oui, ça ne va pas. Hein. Bah non, il me propose de venir, il raccroche. Bah oui, c'est ça, c'est dommage. Bon, on va l'appeler pour avoir son adresse quand même. Ah oui. Bah oui. Mon vieux, c'est la dernière fois que tu sonnes, d'accord? Bah, je m'excuse, mais vous me proposez. Fous la paix, fils de pute! Non, mais vous me proposez un rendez-vous et puis vous raccrochez. Je vais te casser ta tête. Mais c'est okay, alors tu me fous la paix. Si tu sonnes encore une fois, t'as affaire à moi, ok? Bah, d'abord. Bah, je suis tough. Et donc moi je voulais qu'on se rencontre puisque vous me le proposez. J'en ai rien à foutre de te rencontrer, tu me fous la paix. Bah faut savoir, tout à l'heure vous vouliez me rencontrer, mais non. Je me fous la paix, d'accord. Bah oui, mais enfin bon, faut savoir. En Hongrie je m'en fous, la France je m'en fous, ici t'es en Belgique et tu nous fous la paix. Oui, ça je sais bien qu'on est en Belgique, mais ça n'empêche pas de... C'est pas parce que Laurie elle dit des trucs. Je te jure que t'es en train de me faire sortir de moi là, je vais te démonter. Quand même, pas d'excitation trop tout de suite le matin quand même. Voilà. On va arrêter là parce qu'il va nous faire un infarctus, ce malheureux. Hein, donc voilà. Oui, il est chaud. Il est ouais, chaud. Ouais. Bon, on appellera à d'autres numéros tout à l'heure. Si vous connaissez d'autres numéros, n'hésitez pas à nous les transmettre. Vous connaissez des gens qui sont un peu tendus là. N'hésitez pas, bien sûr, à nous envoyer tous ces messages, bien entendu. Voilà. Bon, et eh bien voilà. Dans un instant, je vous rappellerai la petite devinette qui colle. On passera à l'info également. Et puis, il y a un message encore tellement lucide qui est arrivé. Mickaël, une belle voix, de l'humour. Mais où voit-on, à quoi tu ressembles? Bien, on ne voit pas. Oh, il faut imaginer. Oh, arrête, malheureux. En fait, c'est un peu un mix entre. Je sais pas arrête, si vous voyez un peu. Une tête de ballon dégonflé. Brad Pitt et DiCaprio. Tu vois, bah, c'est tu un mix, vois, c'est un mix entre les deux. Moi je les trouve moches, donc je suis assez d'accord. Eh bah très bien. Bah voilà, eh bien je ressemble à Brad Pitt et DiCaprio. C'est Julie, journaliste, qui le dit. Elle est journaliste, donc elle ne ment pas, elle est journaliste. Non, mais... Brad Pitt et DiCaprio. Merci. Mais je les trouve moches, donc je suis d'accord. C'est pas grave. Mais c'est très bien. Mais trouve les moches et sois d'accord. C'est parfait. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizée Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Mickaël. À la radio. Bon, eh bien, il devait y avoir de la pub, mais il n'y a pas de pub, donc on va pas s'en plaindre. Hein. Ça devait partir, ça n'est pas parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Eh ben, pas de pub alors. Hein. Hop là, on va passer à l'info. Bah écoute, si tu veux. Ça me paraît un bon plan, ça. Prix les plus bas pour toutes les idées cadeaux chez Vandenborg. Et sur vandenborg.be. Vandenborg. Vous avez bien choisi. Grâce à votre contrat de confiance. Allez, c'est parti, c'est l'info maintenant à 8h pile avec Julie. Bonjour à tous, la tempête Joachim ou Hergen s'abat sur la Belgique, mais le vent est moins fort que prévu. Les rafales sont surtout plus fortes dans le sud de la Belgique, jusqu'à 80 km/h. Mais par contre, la pluie est au rendez-vous, de nombreuses routes sont inondées. Heureusement pour l'instant, plus de peur que de mal. Il n'y a pas ou très peu de dégâts à signaler, à part quelques caves inondées ou un arbre déraciné à Arlon. La tempête quittera le pays vers 14h pour rejoindre l'Allemagne. La tempête qui est d'abord passée par la France, privant d'électricité 200 000 foyers en Bretagne, et un cargo battant pavillon maltais s'est échoué vers 2h du matin entre l'Orient et la presqu'île de Quiberon. Une brèche dans la coque provoque une pollution du rivage et des barrages flottants vont être déployés pour tenter de contenir la pollution, et les autorités préparent une opération de pompage pour vider le navire. L'autopsie d'Antonietta, la première victime de Nordin Amrani, est terminée. L'exécution a été confirmée et les journaux de Sud Presse affirment ce matin que la victime connaissait son bourreau. La femme d'ouvrage faisait déjà des ménages dans un un immeuble appartenant à son bourreau. Quatre des nombreuses victimes du tueur sont toujours à l'hôpital et dans un état jugé très préoccupant. Le bilan de la tuerie survenue mardi midi, place Saint-Lambert dans le centre de Liège, est de 6 morts, dont l'auteur des faits. Les parents de Sadia, reconnus coupables de meurtre avec circonstances aggravantes, de crimes d'honneur et de tentatives de mariage forcé, eh bien ils se pourvoient en cassation. Ils jugent la motivation du jugement non pertinente. Le père et la mère de la jeune Sadia, assassinée en 2007, ont été condamnés lundi à respectivement 25 et 20 ans de prison. La production de voitures en Belgique a été plus élevée en 2011, malgré l'absence de l'usine Opel à Anvers, fermée voici tout juste un an. Un Audi à Bruxelles aura atteint son objectif de 120 000 à 1 produite cette année. Si la production de 2011 dépasse celle de 2010, elle est loin d'atteindre le niveau de 2001 où l'on produisait encore en Belgique plus d'un million de véhicules. En République démocratique du Congo, 5 chefs de centre de vote lors des élections législatives et présidentielles du 28 novembre dernier ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir falsifié les résultats de 2 candidats. Enfin, en sport, football en 6e journée de phase de poule de l'Europa League, carton plein. Pour les clubs belges, le Standard, qui était déjà qualifié, a battu 0-1 Copenhague et le FC Bruges a obtenu son partage 1-1 face à Braga. Il est 8h03 sur Fun Radio. Encore bon réveil tout le monde. Dans un instant, je vous rembourse vos factures sur Fun. Mirko qui dit tu ressembles à Brad Pitt et dit Carpaccio. Oui, c'est ça, c'est drôle ça. Mais ça, c'est pas mal. Une belle vanne, tiens. Bon, allez, on va passer. Donc, je vous rembourse vos factures dans quelques instants et je vous explique comment faire. Avant ça, c'est la météo. De la pluie pour la matinée en Haute-Belgique, il neigera temporairement. Ensuite, quelques éclaircies se développent. Comme je l'ai dit, attention rafale de vent dans le sud du pays pouvant aller jusqu'à 80 km/h. La température en baisse de 4 à 7 degrés. Demain, il va faire encore un petit peu plus froid, mais normalement, la pluie aura disparu. C'est déjà ça de prix. Bon, allez hop, 63-22 dans un instant. Vous allez pouvoir vous faire rembourser vos factures. Je vous explique comment ça marche en 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Alors, pour vous faire rembourser vos factures, un seul système. 63-22, débutez le message par tout simplement par facture, avec le montant et l'objet de la facture. C'est aussi simple que ça. Il y en a pas mal qui sont arrivés d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce qui est arrivé ce matin? Il y a quoi? 75€ pour les cadeaux de Noël pour mon fils, 37€ pour un spectacle, 54€ pour des lunettes de soleil pour le ski, 70,03€ pour le diesel de la voiture, 59,99€ pour un t-shirt J-Star, 75€ pour des cadeaux de Noël, etc., etc. Eh ben, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, déjà vous pouvez remercier l'auditeur ou l'auditrice à 7h10 qui n'a pas décroché, puisque de ce fait, nous ne sélectionnons que ceux qui se seront inscrits entre 7h10 et 8h10. Résultat, il vous reste 4 minutes pour se faire 63-22 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Avant cela, c'est l'info en plus avec Julie encore. Eh bien, ça se passe en Grèce. C'est un ancien policier grec de 54 ans, divorcé, sans enfant, qui s'est fait verser quand même durant 15 ans 8 000 euros par mois d'allocation familiale. En fait, il a fait croire qu'il avait 19 enfants. Donc, il a falsifié des documents. En fait, il a utilisé des photographies d'enfants trouvées sur Internet. Ouais. Et donc, l'homme ne travaillait plus depuis 2001. Et il touchait 8 000 euros par mois d'allocation familiale. Il a fait croire qu'il avait 19 enfants. La vie est belle. Hein. Donc, depuis 1996, il a quand même touché en tout 150 000 euros. Ah bah ça va, la vie est belle. Hein. Les faux documents étaient si bien imités que les autorités n'ont eu la puce à l'oreille que lorsqu'elles ont constaté que l'homme, en fait, était à la tête de la famille la plus nombreuse du pays. 19 enfants, pas mal. C'est pas mal, ouais. Et donc, ils l'ont attrapé pour finir quand il allait chercher, toucher ses 8000 euros dans un bureau de l'agence pour l'emploi à Athènes. Et donc voilà, monsieur va arrêter de toucher ses 8000 euros pour ses faux 19 enfants. C'est un truc de fou. Ouais, il est détend, je te confirme. Mais ça se passe aussi en Belgique. Hein. Il faut savoir qu'il y a un homme en Belgique qui a quand même 18 enfants. 9 avec, il a deux femmes, donc il a 9 enfants avec chacune des femmes, mais il touche quand même 9000 euros d'allocation familiale. Donc, ça, c'est bon. Je crois que le job le plus rentable, c'est quand même faire des enfants. Oui, mais il faut une certaine usine, tu vois. Il faut donc, un débit quand même. Hein. Je vous laisse, je vais aller tout de suite. Mais viens, avec toi. Allez, viens, on va faire quelle horreur. On va faire le premier. Oh, quelle horreur. Mais ils seront tous handicapés, ça ne. Justement, c'est plus d'allocs. C'est mal. C'est mal. Bon, il est 8h06 sur Fun Radio. On fera un petit blind test dessin animé dans quelques instants avec des cadeaux à la clé. Si vous voulez vous inscrire, 63-22, débutez le message par test, tout simplement. Et puis nous, on vous rappelle pour faire un petit blind test dessins animés si vous êtes fort en en dessins animés, eh bien inscrivez-vous 6322 code test tout simplement, ou pareil pour le Luxembourg au 621 783 605. Allez, bonne chance tout le monde, et puis le remboursement des factures, ça c'est plus proche de nous, c'est juste après le son de LMFAO, maintenant Sexy and I Know It. Il est 8h07 sur Fun Radio. Bon réveil, c'est vendredi, c'est la bonne nouvelle, et la mauvaise c'est qu'il pleut comme vache qui pisse. Tous les matins Fun Radio paye vos factures. Tous les matins sur Fun Radio, 7h10, 8h10, 9h10. Eh bien, on appelle pour vous rembourser vos factures. C'est aussi simple que ça. Message qui est arrivé également. 8000 euros depuis 2001, ça fait 1,5 million d'euros. Il passe 150 000, Julie. J'ai dit qu'il aurait touché au moins 150 000 depuis 1996. Merci à Seb, ici le stagiaire qui me soutient. Bravo le fossé. Au moins 150 000, ça veut dire que c'est peut-être même 5 millions. Mais en tout cas, c'est au moins 150 000. Mais c'est pas compliqué, Seb le stagiaire, c'est parce que voilà, il est sur un dos. Là. C'est pour ça qu'il te soutient. Il est carrément pas sur un dos. Alors là, vraiment pas. Il est sur un dos, c'est tout ça. Il se colle à moi, ça me fait un peu peur. Là, ouais, ouais, c'est là, ça. Par contre, il est plus sur le dos. J'ai quand même du respect pour moi-même. Hein. Oh, bon. Ah, c'est ce qu'on appelle un tacle. Ouais, là, je pense qu'il y a un battle qui va se préparer. Là, avant la fin d'émission, il va y avoir un œil au beurre noir qui va traîner. Tu vois, t'aurais mieux fait de préférer Max. Ah, ouais. Non, certainement pas. J'étais encore froid. J'ai moi aussi du respect pour moi-même. Ouais, oh, bah, ça y est, ça tacle. On est en pleine forme ce matin. Bon, allez, on appelle maintenant pour rembourser des factures. C'est parti. Vous vous êtes inscrits, nombreux et nombreuses, au 6322 en débutant le message par facture. Pareil au 621 783 605. Ça, c'est le numéro pour nos amis luxembourgeois. Et c'est parti. En fait, rembourser la facture de 51 000 euros là, pour que le mec puisse aller chercher sa BX dans son parking. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Si il ou elle décroche et répond à la question, c'est gagné. Petite question facile, ma foi. Hein. Allô. Allô. Allô. Fun Radio, super. Bah dis donc, j'ai pas posé la question, malheureusement, c'est perdu, c'est dommage. Bon, qui paye les factures le matin? Mickaël et Fun Radio. Voilà, et oui, tous les deux on paye, oui, oui, il faut le savoir, je paye également de ma petite poche. Ouais. De ma petite poche. Dis donc, on est au spectacle ici, comment ça se passe? Pardon? Non, non, je parlais à mes deux stagiaires, il faut que je les éduque encore, hein. Ils sont pas encore totalement au taquet. Dis-moi, comment tu t'appelles? Bénédicte, très bien. Bon, ça va, tu n'as pas la voix de ma sœur. Moi, je me suis dit, merde, ça y est, on va encore me dire j'ai triché. Bon, Bénédicte, ah bon. Tu es dans quelle ville et tu as quel âge? J'ai 41 ans, je suis dans la ville de Couvain, mais là, je suis à Namur, au bureau. D'accord, au bureau, tu fais quoi dans la vie? Je suis secrétaire. Secrétaire, d'accord, ok, très bien. Bon, alors, Bénédicte, tu t'es inscrite pour... Ah oui, tu pars au ski, toi, apparemment, c'est pour des lunettes de oui, soleil de oui, ski, oui, là. Oui, je vais partir au carnaval au ski. Ah, sympa. Bah écoute, tu sais que tu vas peut-être... Bon, là, en l'occurrence, non, mais enfin, je veux dire, il y en a peut-être d'autres qui vont pouvoir partir à Tignes tout à l'heure, hein, midi, avec le tirage au sort chez Lucas, là. Tous ceux qui se sont inscrits toute la semaine et qui ont été tirés au sort, et puis il y en aura encore un tout à l'heure, avant 9h30, qui pourra être tiré au sort, qui partira peut-être à Tignes pour aller sur le plus haut dance floor d'Europe. C'est à Tignes, 25 000 clubbers qui seront là en pleine forme pour la Fire Mix Party du 31 décembre. Il y aura Antoine Clamaran qui sera là, et puis nous on vous paye le studio pour deux personnes, les forfaits, les remontées mécaniques, etc., etc. Donc si vous voulez vous inscrire, il vous reste encore une heure et demie pour ça. Ça se passe au 6322 code neige. Bah bonne chance en tout cas. Et puis toi, bravo à toi Bénédicte, hein. Tu vas repartir avec le remboursement de ta facture. C'était combien tes lunettes de ski là? 54 euros. Un grand merci à toi, Mickaël. Un grand merci à Fun Radio. Mais je t'en... Ne remercie pas Fun Radio. Tu peux me remercier que moi, tu sais. Il n'y a pas de problème. Comme si les auditeurs qui payent. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Bon, ben gros bisous, Béné. Et puis reste au standard. On va te repasser l'op pour gros tout bisous, expliquer. Merci. Bisous, bisous. Ciao. Merci. Je t'en prie. Si, comme Bénédicte, vous voulez qu'on vous rembourse vos factures tout à l'heure, eh bien, 6322, code facture. Allez-y. Bonne chance, tout le monde. Dans un instant, le petit blind test dessins animés. Je pense que ça peut être très drôle, à mon avis. Julie va être comme une dingue. Oh, c'est ça. Oui, c'est la réponse, elle était chaude comme la braise hier avec le blind test qu'on a fait. Alors aujourd'hui, dessins animés, je pense que là on est au top. On va voir. Je pense que ça va être au top là. Bon allez, on s'écoute Kélis maintenant sur Fun Radio à 8h13. Petit souvenir, tiens, c'est Trick Me. Bonne matinée tout le monde, et puis bon courage sur la route d'ailleurs ce matin. Bonne matinée sur Fun Radio, 8h15, et Kélis avec Trick Me. Il y aura Laurent Wery dans un instant avec Swift KD et Hey, l'info de Julie, c'est dans un quart d'heure, et on nous signale aussi une petite info trafic, hein, tant qu'à faire. Il y avait 2 bandes sur 3 inondées, la situation est résolue, mais il y a 2 heures de fil. C'est Gwen qui nous avait envoyé ce message, donc voilà. où C'était entre... Je l'ai dit tout à l'heure, là, j'ai oublié. Ouais, ah, parce que tu dis, il y a deux bandes inondées, oui, très bien. Ben mais... oui, mais non, mais c'était... Par là, Julie, par là. Ah, c'était entre Opin et Tervuren, voilà, c'était l'endroit à éviter. Voilà, ah, comme ça, vous le savez maintenant, il y avait tout à l'heure deux bandes sur trois qui étaient inondées. Donc, situation résolue, mais il y a toujours deux heures de fil, puisqu'il faut le temps que ça se résorbe. Donc, bon courage si vous êtes dans ce bouchon ou dans un autre, en fait, en règle générale. Nous allons faire le blind test maintenant, dessins animés avec Nadir et Jérôme. Salut Nadir. Salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? Eh ben ça va bien Nadir. T'appelles de Soigny toi, 99.8 pour écouter Fun à Soigny. Ouais c'est ça. Et tu peux couper ta radio s'il te plaît? Ouais pas de problème. Voilà nickel. Et de l'autre côté il y a Jérôme, 21 ans de Warem. Salut Jérôme. Bonjour Fun Radio. Comment ça va? Ça va et vous, bah oui, ça va plutôt bien, Jérôme. Hein. Ah, c'est un blind test entre Colores ce matin. Il n'y a que des mecs. Heureusement, Julie est là pour la touche féminine. Mais évidemment, hein, parce que... je suis là pour relever le mais bien voix. Sûr. Oui, c'est le bonjour glamour de cette émission. Non, c'est vrai, si, c'est vrai. J'attends bon, le tacle qui va suivre. Nadir, Nadir et Jérôme, je vais vous passer des extraits de dessins animés. Alors, 27 ans, toi, t'as plus de chance que Jérôme, forcément, puisqu'il y a des dessins animés qui sont un peu plus vieux. Donc, bon, faut voir. Et le premier qui a la bonne réponse, vu que vous êtes deux mecs, il faut donner absolument son prénom, d'accord ? Impérativement avant de donner la réponse, ok? Ok, d'accord. Et je serai intransigeant si vous donnez la réponse et que l'autre l'entend sans avoir donné votre nom, c'est l'autre qui prend le point, d'accord? Ok. Ouais, donc faites attention, qu'est-ce d'abord la réponse. On a compris, on a compris. Oui, bah je préfère préciser. L'autre elle veut jouer. Ah, je veux jouer. Oui, je veux taquer, vas-y. Bon, allez, on y va. Premier, vous êtes prêts? Prêt. On est prêt. Attention. Ah, pardon, c'était pas okay. Bon. C'est parti. Facile. Voilà, ah, top des années 80 là. Easy game. Ouais mais enfin bon aïe. Ouais Jérôme Albator. Ben oui. Bravo Max le stagiaire qui a laissé le nom dans la chanson. Albator. Ouais, c'est générique. C'est le vrai générique ça. Oh là. Non mais bon. Ce Max sert à rien. Ah ouais non mais ça. Je suis viré quoi. Ouais, je pense qu'il va être stagiaire de Julie officiellement, ça va être pillé ça. Hein. Bon, un point pour Jérôme. Oh, trop bien. Un point pour Jérôme. Vous êtes prêts pour le second? Je vais faire le café. Attention, le café. Deuxième, c'est parti. Oh ça c'était bon ça, j'adorais. Quand j'étais petit j'adorais. Il avait une tête un peu bête mais j'adorais. Écoutez. Ce héros du futur nanana, qui nous fait vivre de vraies aventures. Vous voyez pas Nadir et Jérôme? Oh si. C'est A. Et un beau. Vous avez pas d'idée Nadir et Jérôme? C'est pour ça, hein, tu peux les laisser les noms. Hein. Bah ouais, c'est le petit robot. Vous voyez pas? Trop jeune, c'était Astro le petit robot. Astro le petit robot. C'est pas trop non. La nouvelle génération. Ah non, mais ça j'ai pas dit contraire. Moins de 25 ans, allez. Je vois pas ce que c'est. Hein. Okay. J'ai pas demandé votre avis, les stagiaires. Ok, ok. Un peu plus facile. Ouais, il y a de nouveau les noms. Hein. C'est vrai. Dragon Ball Jérôme. Eh oui, Jérôme, bravo. C'est un classique. Eh oui, effectivement. Allez hop, deux points, Jérôme. Attention encore un. Oh oui. Oh, c'est trop facile ça. Oh là, qui va là? Il est de très loin. Eh oui, Jérôme. Eh ben voilà, Jérôme, la balade. Hein. Nadir, tu peux jouer avec nous. Hein. Il a pas compris en fait, il pensait qu'il jouait après, tu vois. Non, c'est parce qu'il a rien, Nadir. Nadir? Ah. Nadir! Il a disparu en fait. Merde. Ah, il est vraiment parti en plus. Ah bon, bah voilà le problème. Ah, mais c'est pour ça. Bah ouais. Bon, et puis le dernier titre hein, pour la balade, Jérôme. Ouais. Jérôme? Les Chevaliers du Zodiac. Eh oui, les Chevaliers du Zodiac, évidemment. Quelle balade! En même temps, faire 4-0 face à personne, c'est facile. Voilà. Ouais. 4-0 face à personne, c'est évidemment beaucoup plus facile. Bon, on a perdu. Comment ça se fait qu'on a plus Nadir? On va le rappeler aux antennes, voir un peu ce qui s'est passé, mais bon. Bon, bah Jérôme, bravo à toi, c'est gagné. Au pire, on remettra Nadir avec nous pour le prochain jeu. D'accord? Merci, c'est gentil. Bah, je t'en prie, bravo à toi, Jérôme. Merci, bonne journée. Bah, bonne journée à toi, reste au standard. On va prendre tes coordonnées pour ton cadeau, d'accord? Merci. Allez, je t'en prie, à bientôt. Eh ben voilà, tu n'as pas été très très bonne, si je puis me permettre, Julie, aujourd'hui. Hein. Ah ben si, mais je peux pas donner les réponses. Si, elle est toujours très bonne, Julie, arrête. Que... Non, physiquement peut-être, mais là, pour le coup... Mais c'est vrai que je suis un peu... Enfin, ça me fait mal de dire ça, mais je suis meilleure pour la télé-réalité. Ah ben très bien, oui, ça c'est dur. Ça doit te faire mal, alors. Allez, on revient juste après sur Fun. C'est Fun Radio. Dans quelques instants, l'info de Julie va débarquer. Évidemment, comme tous les matins, ce sera aux alentours de 8h30. Et avant de faire le petit, la petite déclaration express, nous avons donc encore une fois la devinette qui colle. C'est pour repartir avec vos écrans plats ou vos home cinéma ce matin. Les home cinéma LG, écoutez bien, il peut être fait de soie ou encore de chocolat. Ce parfait quadrilatère est une belle main au poker. Il peut être... il est à Willebrook également. Et il est également à Liège, en fait, tout simplement. On peut l'appeler Dièse aussi. On peut l'appeler Dièse, effectivement. Et surtout, et ça c'est une autre info également, c'est le petit cousin du rectangle. Voilà, c'est le petit cousin du rectangle. Et ça y est, et Julie va bouffer, ça y est, c'est plié. On a des peaches. C'est plié. C'est pas la fraise, parce que ceux-là, ils sont pas très très bons. C'est vraiment chocolat, dommage. Bah, trop bien. Bon, allez, déclaration express maintenant. Comment ça se passe, Lob, alors? Bah, écoute, Ryan ne répond pas. Oh. Donc, enfin, nos pitchs sont périmés, hein. Je tiens à signaler ceux qui aimeraient bien manger. Donc on fait quoi? On appelle sa copine directement? On va appeler sa copine directement. Et c'est parti, on y va, on l'appelle. Et puis on lui laissera un message directement. Comment s'appelle le gars qui décroche pas? Alors le mec qui décroche pas, il s'appelle Ryan. Ryan, d'accord, ok. Bah on y va, on va appeler sa copine directement. Nous après, hein, tant pis, hein, on va faire son travail à sa place, pas grave. Pour la déclaration express, on y va. Quoi faut-il que ça décroche, bien sûr. Ce qui n'est pas gagné pour l'instant a priori. Ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, malheureusement. Ça ne fonctionne toujours pas. Je pense que nous allons faire ça à un autre moment. Attends. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, ça téléphone. Voilà. Donc, c'est Ryan. Et la fille, on l'appelle, comment elle s'appelle? Alors, la fille s'appelle... Oh putain, je sais plus comment elle s'appelle. Il m'a dit... En plus, il l'a rencontré chez Vince. Dans la libre antenne le soir, je vois. Bon, allez, c'est parti. Sinon, on remettra à lundi, hein. C'est pas très grave. Je pense d'ailleurs que nous remettrons à lundi. Il est déjà 8h24. Ben oui, t'as vu, le temps passe vite avec. Super noir. Avec oui, ça aussi. Oh, c'est horrible. Oh, répondeur. Bon, bah tant pis, on va laisser sur le répondeur. Comme ça, au moins, on aura la déclaration express. 4. Ah, bah on ne saura vraiment pas son nom. Hein. C'est une surprise. Ouais. Sur le bout de la langue. Surprise. C'est pas grave. Juliette. Enregistrez votre. Allez hop, on y va, c'est parti. Ben oui. Pour terminer, il suffit de raccrocher. Au revoir. Et à bientôt. Merci. Bip. Voilà, salut Juliette, je pense que t'appelles Juliette, c'est Mickaël, oui. T'es en direct sur Fun Radio et on t'appelait de la part de Ryan pour une déclaration express. Écoute ce qu'il avait à te dire. C'est magnifique. Ce petit piano là, c'est beau. C'est romantique. Mais tais-toi. Mais c'est un peu long son intro là-bas. C'est vrai. Une fois de plus. Ça nous permet de. De rien parler. Du tout. De manger des pitchs. De manger des pitchs. Le jour où il t'a rencontré. Il s'était pointé à Verviers, à la bourre. Sur le quai, tu l'attendais. Et Drachet était démouillé de partout. Il faut dire qu'il venait d'Arlon. C'est pas près de chez toi, mais bon. Si en retard il s'est pointé, remercie la SNCB, même si c'est ici que tout s'est dit, dans le fond de la gare, dans le fond de la gare, cet après-midi de folie, dans le fond de la gare, dans le fond de la gare, si vous étiez fait gauler. Une putain d'amende, vous auriez payé. Et oui, voilà cette déclaration express, Juliette. J'espère que ça t'aura touché en tout cas, mais au en tout cas. Du romantique. Alors rendez-vous dans le fond de la gare, c'est très beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est là que c'est le plus beau. Mais sous oui. La pluie, on est bien. C'est trop beau. Je sais bien que ça va être horrible. Si l'homme ne me montre pas les paroles, c'est que ça va être horrible. C'est ça. Et là, ça a été le cas en l'occurrence. Là, ça a été le cas. Allez, 8h27 sur Fun Radio. Bonne matinée. Dans un instant, c'est l'info de Julie qui débarque. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Il est 8h31 sur Fun Radio, on va jouer dans moins de 10 minutes au Free Code Game, c'est le nouveau jeu qui déchire. Si vous voulez vous inscrire au Free Code Game, n'hésitez pas. On fait le jeu dans un petit instant, il y a des gros cadeaux à gagner, ça peut aller jusqu'à l'écran plat, voire même le home cinéma LG. Vous vous inscrivez au 6322, vous débutez le message par Frit tout simplement et on joue dans moins de 10 minutes. Mais avant cela, 8h32, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, la tempête Joachim ou Ergun a fait des dégâts dans la province du Luxembourg où les vents sont les plus violents. Les services de secours sont principalement intervenu dans des caves inondées et des arbres sur la chaussée près de Virton. Les cours d'eau de la province sont en pré-alerte de crue. Les pompiers restent vigilants car les vents continuent à être puissants. La tempête quittera le pays vers 14h pour rejoindre l'Allemagne. La tempête qui est d'abord passée par la France, privant d'électricité 200 000 foyers en Bretagne. Et un cargo battant pavillon maltais s'est échoué vers 2h du matin entre l'Orient et la presqu'île de Quiberon. Une brèche dans la coque provoque une pollution du rivage et des barrages flottants vont être déployés pour tenter de contenir la pollution. L'autopsie d'Antonietta, la première victime de Nordine Amrani, est terminée et l'exécution a été confirmée. Les journaux de Sud-Presse affirment ce matin que la victime connaissait son bourreau. La femme d'ouvrage faisait des ménages dans un immeuble appartenant à Nordine Amrani. Quatre des nombreuses victimes du tueur sont toujours à l'hôpital et dans un état jugé très préoccupant. Le bilan de la tuerie survenue mardi midi, place Saint-Lambert dans le centre de Liège, est de 6 morts, dont l'auteur des faits. Les parents de Sadia, reconnus coupables de meurtre avec circonstances aggravantes de crimes d'honneur et de tentative de mariage forcé, eh bien, ils se pourvoient en cassation. Ils jugent la motivation du jugement non pertinente. Le père et la mère de Sadia, assassinés en 2007, ont été condamnés lundi à respectivement 25 et 20 ans de prison. La production de voitures en Belgique a été plus élevée en 2011 malgré l'absence de l'usine Opel à Anvers, fermée voici tout juste un an. Audi à Bruxelles aura aussi atteint son objectif de 120 000 à 1 produite cette année. Si la production de 2011 dépasse celle de 2010, elle est loin d'atteindre le niveau de 2001 où l'on produisait encore en Belgique plus d'un million de voitures. En République démocratique du Congo, 5 chefs de centre de vote lors des élections du 28 novembre dernier ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir falsifié les résultats de 2 candidats. Et puis enfin en sport, en football, en 6e journée de phase de poule de l'Europa League, carton plein pour les clubs belges. Le Standard, qui était déjà qualifié, a battu 0-1 Copenhague et le FC Bruges a obtenu son fameux partage 1-1 face à Braga. Et il est 8h34 sur Fun Radio, c'est la météo. Comme je viens de le dire, attention à la tempête. Les vents sont violents, surtout dans le sud du pays. C'est en tout cas la pluie qui va nous accompagner tout au long de la journée. En Haute-Belgique, il neigera temporairement. Ensuite, quelques éclaircies se développeront. Température de 4 à 7 degrés. Demain, il va faire encore plus froid, mais normalement, la pluie ne sera plus au rendez-vous. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Et restez bien là dans un instant, le son de Snoop Dogg. Snoop Dogg avec Wiz Khalifa qui arrive et Bruno Mars. Young, Wild and Free. Voilà, ne bougez pas. Avant ça, évidemment, faisons un tour du côté de l'info en plus. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la loi Hadopi, c'est la loi qui condamne le téléchargement illégal. Et voilà, l'Élysée a mis en place. Que l'Élysée a mis en place, voilà. Eh bien, on vient de se rendre compte qu'en fait, à l'Élysée, en France, donc, on télécharge illégalement. Donc, l'Élysée, c'est la résidence présidentielle de Nicolas Sarkozy. C'est un petit peu la Maison Blanche de Nicolas Sarkozy. Et un petit malin est parvenu à dénicher les adresses IP de l'Élysée. Après quoi, il lui a suffi d'utiliser le site youhavedownloaded.com qui permet de connaître en fait l'historique des téléchargements selon une adresse donnée. C'est bon ça. Et il a pu constater que donc il y avait de nombreux téléchargements illégaux dans les bureaux présidentiels. Donc on a pu voir qu'ils ont téléchargé les films Mission Noël. Ou alors en plus des films bien bruits, tu vois. Échange Standard ou La Casse de Central Park. Waouh. Ou alors même un best-of des Beach Boys ou même des manuels à cuisiner ou pour améliorer sa productivité. Ah bah attends, et le best-of des Beach Boys, moi j'ai envie de dire quand même, rien que pour ça, ça vaut quand même le déplacement. Hein. Ouais, et ben voilà, donc à l'Élysée, on télécharge aussi illégalement, ce qui est quand même assez scandaleux. Bravo. Oui, mais montrons l'exemple, bien sûr, c'est normal. Ah oui, oui. Bon, dans un instant, The Free Code Game, nous allons y jouer. Si vous voulez vous inscrire, allez-y. Le Free Code Game, c'est ça. The Free Code Game. Voilà, si vous voulez jouer avec nous, il y a des gros cadeaux à gagner, notamment des écrans plats ou des home cinéma LG, entre autres. 6322, débutez le message par Frit avec le montant. Mec, il m'éconfond tout. Par Frit, tout simplement, et on vous rappelle dans un petit instant. On donnera la réponse aussi à la devinette qui colle. Et on se fait maintenant le son de Snoop Dogg, Wiz Khalifa et Bruno Mars, c'est Young, Wild and Free sur Fun Radio, il est 8h36. Bon réveil avec nous. Il est 8h39 sur Fun Radio. Bon réveil, excellente matinée avec nous et puis bonne fin de semaine surtout. On va prendre maintenant la réponse à la devinette qui colle qu'on avait prise tout à l'heure. C'est Benoît qui est là maintenant de Charleroi. Salut Benoît. Comment vas-tu ? Bien, oui. Bon, bienvenue à toi Benoît. Tu as la réponse à la devinette qui colle, toi, je la répète au cas où. Il peut être fait de soie ou encore de chocolat. Ça paraît. Ce parfait quadrilatère est une belle main au poker. Qui est-il ? Le carré. Ben oui, le carré à Willebroek, le carré à Liège, dièse sur le téléphone, c'est un carré également. Eh ben, bonne réponse. Bravo à toi, Benoît. Tu repars avec un des cadeaux que, dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Tu géreras ça avec l'aube au standard dans un instant, d'accord? Merci bien. Au revoir. Je t'en prie, Benoît. Passe une bonne soirée, une bonne journée aussi. Et j'espère que tu seras à la soirée avec nous demain soir à Charleroi, au Coliseum, pour les 20 ans de Fun Radio à Charleroi. On sera là. Toute l'équipe sera là. Et à défaut de payer mes factures, je paierai mes billets d'avion et mes séjours. Je paierai vos vacances. Voilà, c'est ça. Je m'y engage. Et oui. Ah oui, je m'y engage. Bah, Seb s'y engage, le stagiaire, tant mieux. Hein, moi, ça me coûtera moins cher. Bon, bah, salut Benoît, bonne journée. Hein. Au revoir. À bientôt et bon week-end. Et nous allons maintenant jouer au. Frit Code Game. Voilà, joue au Frit Code Game avec Mathieu, qui est là, 21 ans de Charleroi également. Les Carolos en force aujourd'hui, ça fait plaisir. Salut Matt. Salut, ça va? Ça va et toi? Bon, bah, bien. Par contre, il va falloir que tu parles plus fort, Mathieu, parce qu'on entend vraiment à peine ce que tu dis. Hein. Ouais, ça va. Enlève ton kit main libre, tu sais quoi, on va trouver la solution là. Enlève ton kit main libre. Voilà. Ouais. Allô, Mathieu? Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'aller mieux là, non? Vas-y, parle un peu. Ouais, ça va. Non, ça va pas mieux. T'as coupé le haut-parleur, tout ça? Ouais, j'ai coupé le haut-parleur, mais j'entends pas trop. Non, ben non, par contre, nous, on entend beaucoup mieux là maintenant, par contre. Hein, donc ça, c'est le principal, tu me diras. Bon, alors attention, on va jouer au Frit Code Game. Je remets le jingle. Frit Code Game. Et attention, qu'est-ce que je te sers? Alors, un petit paquet, un grand paquet, un dorum ou une mitraillette. À savoir que le petit paquet, c'est des questions très faciles, mais avec un petit cadeau. Et ça va jusqu'à la mitraillette avec des questions beaucoup plus difficiles, mais avec un gros cadeau, comme par exemple un écran plat ou un home cinéma. Qu'est-ce que tu choisis, Mathieu? Je te sers quoi? Bah allez, fais-moi le Durum. Le Durum. Ah, tout le monde a pris la mitraillette pour l'instant et tout le monde s'est loosé. Eh bien, c'est parti maintenant. On y va. Hop là. C'est parti pour le Durum. Écoute bien, je vais te poser 5 questions. Il faut que tu fasses minimum 3 sur 5 pour regagner quelque chose, d'accord? Ouais, ça m'entend. Et il faut répondre évidemment du tac au tac. Attention. Dans la fable du corbeau et du renard, que tient le renard dans son bec? Un fromage. Eh non, parce qu'il n'a pas de bec, le renard. Ah oui, bah oui. Ah ouais, là, j'avoue que c'était une petite attaque. Bon, zéro pour l'instant. Quel est le prénom le plus répandu au monde? Je sais pas. Dis au hasard. Ça commence par la même lettre. Mathieu, bah non, c'est Mohamed. C'est ce que j'allais dire, hein. Ça commence par la même lettre que ton prénom, mais non. C'est pas grave, tu as encore l'occasion de gagner si tu réponds bien, si tu fais un sans faute sur les trois dernières. Qu'est-ce qui est plus grand, une feuille à 3 ou une feuille à 4? Une feuille à 3. Eh ben non, une feuille à 4. Ouais, c'est vraiment dommage. Hein. Bon, allez, pour le sport, on va dire. Qui sont Suzanne, Linette, Lee et Gabriel? Une série télé bien connue. C'est les acteurs de Desperate Housewives. Ouais, pas mal. Ben voilà. Et enfin, dernière question. De quel pays vient Cécile de France? Bah, de France. Bah, non, de Belgique. Ben voilà, Mathieu. Bon, eh ben écoute, Mathieu, je suis désolé. Pourtant, les questions étaient pas simples. T'es pas trop compliqué. Il y avait quelques attrapes, mais voilà, c'était dans l'absolu pas trop compliqué. Mathieu, malheureusement, ouais, c'est bien. Une défaite. Mais c'est pas grave, tu reviens jouer avec nous quand tu veux, évidemment. D'accord, ouais, Mathieu? Pas de souci. Allez, passe une excellente journée, Mathieu. À bientôt. Ouais, salut, ciao. Salut. C'était Frit Code Game. Qui revient, bien évidemment, en pleine forme dès lundi à 8h40. Pour le Frit Code Game, le jeu que toutes les radios veulent nous prendre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est bien. Frit Code Game. Voilà, on remettra le couvert, c'est le cas de le dire. Lundi, donc, évidemment, à partir de 6h. Et dans un instant sur Fun Radio, les Cobra Starship débarquent avec Sabi. Ce sera You Make Me Feel. Bonne matinée sur Fun, il est 8h44. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier? Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Effectivement, petite erreur de lecture. C'est vrai que la 3, effectivement, est plus grande que la 4 pour la question au Frit Code. C'est vrai, vous aviez raison. Cela dit, ça ne change rien puisqu'il n'a fait qu'une seule bonne réponse et que pour gagner quelque chose, il faut faire minimum 3. Donc voilà, pour l'auditeur, ça n'a rien changé. Mais vous aviez raison, effectivement, il y a une petite erreur. Hop là, mea culpa. L'Ob s'excuse, il a écrit les questions, il s'est trompé. Et il enverra de sa poche une feuille à 3 à tous les gens qui ont réclamé. Tout à fait. Bah, je préfère une feuille à 3 qu'une Audi à 3, personnellement. Donc, je m'en fous encore des failles. Tu peux, comme tu veux. Bon. Bon, allez, c'est parti maintenant. Tu t'en fous des feuilles. C'est prudent, le l'infotrafic de Bruxelles est à l'arrêt à partir de Woluwe. Puis accident sur l'E40 à Liège en direction de Bruxelles, à hauteur de Herstal. La circulation commence à se normaliser. Pardon. Accident sur l'E17, Gand en direction de Anvers, à hauteur de Haas. Donc, la bande de gauche et du milieu qui sont obstruées. Accident sur le ring de Gand, à hauteur de Gand, en direction de Merelbeek, au kilomètre 43. Et puis accident sur la N5, à hauteur de Jamagny, en direction de Charleroi. Très bien. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et c'est l'heure maintenant de la ligne anti-relou. Le dernier encart avec la ligne anti-relou. Ligne anti-relou qui est là, bien évidemment, tous les matins, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart, avec les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou, justement. Peut-être des messages, peut-être c'est ce numéro qui vous sauvera, peut-être ce week-end. Si vous venez, par exemple, car vous allez tous venir, c'est normal, à la soirée des 20 ans de Fun Radio à Charleroi, c'est au Coliseum que ça se passe. Toute l'équipe de Fun sera là. On aura des billets d'avion et des séjours complets à vous offrir. Donc, venez nombreux, hein, pour se marrer toute la nuit. Puis, Tof sera en chasse, donc voilà, venez nombreux, nombreuses. Très chaud. Bah, donc, quelle bonne nouvelle. Allez, la ligne anti-relou maintenant, retenez bien le numéro, c'est le numéro que vous donnerez notamment à Tof samedi soir, 0-473-86-00-13. Je vous chanterai des chansons pareilles. Ouais, ah bah dis donc, ouais, vous allez gagner plein de trucs, hein, vous allez mais voir. Mais Noël approche, j'ai de l'envie de chanter des petites chansons. C'est vrai, c'est vrai. Allez, deuxième message. Oui, Aurélie, c'est Brian. Oui. Je sais pas moi, hier, j'étais dans le bar, t'es sorti, t'es plus revenu, qu'est-ce qui se passe, je sais pas. Je dois t'encontrer une veine, hein, parce que tu m'as dit qu'on allait dans les toilettes. Et t'es bien, hein, je m'appelle toujours Brian, hein, et je fais toujours venir, hein, et tu vas m'appeler quand tu veux, au 04. Merci. Un bon relou, lui. Hein. Salut. Un bon relou comme il se doit. Hein. C'est juste qu'il a pas entendu la phrase. C'est on se retrouve aux toilettes pour finir de les nettoyer. Ouais, parce que probablement, ouais. Bon, en tout cas, j'espère qu'il l'a fait au final. Hein. Dernier message. Oui, bonjour, c'est Audrey. Tu peux me retéléphoner, c'est pour savoir si tu serais libre et combien est-ce que tu prends. Donc, alors, soit il a pris la fille pour une prostituée alors que ça ne l'est pas. Non, c'était en centimètres qu'il voulait savoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Soit même la prostituée lui a tapé le numéro de la ligne anti-relou à quel point il était relou. Je pense que ça peut être dangereux quand même. Bon, 8h52, dans un instant, on appelle encore une fois en Belgique pour vérifier ce que Laurie a dit. Apparemment, que les femmes ne peuvent pas se passer de sextoy. Donc, c'est nous vérifierons dans un instant. Le temps d'écouter Cobra Starship et Sabi sur Fun Radio. You Make Me Feel, juste après l'invité mystère. Mickaël, à la radio. Hey, what's up? This is Gabe from Cobra Starship. Le matin, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Je comprends rien. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Il est 8h54 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Et attention, ça y est, j'ai l'invité mystère qui vous permettra de repartir avec les derniers écrans plats de cette semaine, ou les derniers Home Cinéma LG, ou même encore les dernières caméras vidéo numériques. Pour ça, il faut simplement retrouver notre invité mystère. Votre monde rêvé. Un monde sans guerre avec plein d'oiseaux partout. Ah ouais, vous êtes un bisounours alors. Ouais, de temps en temps, ouais. Voilà, donc à votre avis, qui est un bisounours? Qui est l'invité mystère? Je le remets. Votre monde rêvé. Un monde sans guerre avec plein d'oiseaux partout. C'est l'aube. Ah ouais, vous êtes un bisounours alors. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Un petit indice. Nous l'avons également ici en studio. Il peut nous dire bonjour, bonjour. Bah, bonjour tout le monde. Ben quoi. Tranquille. Voilà. Ah, ouais, si vous avez. Okay, je vois maintenant. Voilà, si vous avez une idée, quel est notre invité mystère ce matin? Je le remets. Hein. Votre monde il est rêvé. Français. Ouais. Un monde sans guerre avec plein d'oiseaux partout. Ah ouais, vous êtes un bisounours alors. Ouais. C'est pas. Ouais. Ouais, que IM serait sorti. Ouais, si. Ouais. Oh, super, t'inquiète. Bon, voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22. Il a également une chanson à son nom 10, à l'époque. C'était Le Petit Ourson. Bon, enfin bon, après, ça, c'est un indice. Merci Chantal Goya. Voilà, exactement. C'était. C'est bah, le petit. Bah, si, tu verras, t'inquiète. Mais donne pas la réponse! Il est bête, lui. Oh là là là là, le stagiaire. Non, j'ai dit numéro 10. Ça, c'est un indice. Voilà. C'est une chanson qu'il a faite. Numéro 10 dans ma. Oh là là, je suis au top du rap. Attends, numéro 10, je l'ai écouté. C'est que je l'ai écouté en boucle, numéro 10. Attends, Julie, t'es dans ta voiture, t'inquiète. T'es pas dans la polo, c'était il y a 10 ans. Je conduis même pas de voiture. Attends, les fenêtres ouvertes, t'as un fond, t'es scooter. T'as vu que tu me fais chier là au feu rouge là. T'as vu, je suis Julie. J-U-L-I-E, tu vois. Attends, là, les graffés là, les graffés. Quand t'as été graffé, ouais, tu vas aller péter une petite vieille et puis rentrer. Oui, c'est ça, bien sûr. Bon, allez. Allez, 8h56 sur Fun Radio. On va donc vérifier ce que Laurie a dit maintenant. Laurie, donc, qui a prétendu donc, que les femmes ne peuvent plus se passer de sextoy. Voilà, bon, elle aurait un peu menti puisque Julie nous a dit qu'elle n'en avait pas. C'est vrai. Donc, elle doit pas être la seule. Et donc, je voulais vérifier si, bah, oui, s'il y en avait d'autres qui étaient dans le cas. On avait appelé à Sanzai où tu t'es fait insulter. Hein, donc, je comprends pas pourquoi, tout ce que tu veux. Hein, voilà, tout qui est passé là, tout à l'heure. Donc, on va appeler à Sainte-Marie. Sainte-Marie de quoi? Sainte-Marie Chevigny. Si tu veux. Je sais pas où c'est, mais on va appeler quand même, c'est bien. Hein. Allez, hop, c'est parti. C'est pas Libramont, je crois. Ah, d'accord, on proposait Dieudonné aussi. C'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas Dieudonné, ce n'est pas Jean-Claude Van Damme non plus. Hein. Je vous remettrai un petit extrait après. Allez, c'est parti. Direction Sainte-Marie-Chevigny maintenant. Pour vérifier, bien sûr, c'est une petite. Allô ? Oui, bonjour, voilà, monsieur. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. J'entends des hauts, gros. Ah, oui, je vous entends. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour, voilà. En fait, je vous appelle parce que la chanteuse Laurie a déclaré qu'aujourd'hui, les femmes avaient des jouets sexuels à la maison. Et je voulais savoir si vous en aviez. Qu'est-ce qu'elle vous racontez, là ? Ben, vous connaissez la chanteuse Laurie ? Oui. Voilà. Eh bien, elle a dit qu'aujourd'hui, la plupart des femmes modernes avaient des sextoys à la maison. Et je voulais savoir ce que vous aviez comme sextoy chez vous. Ben, vous êtes sans femme ? Bah non, mais enfin bon, moi, je voulais savoir, c'était important. Qu'est-ce que vous êtes ? Bah, je suis Toff. Bah, vous êtes sans gêne ? Bah, non. On n'a pas de jouet. Ça va bien. On n'a pas de jouet. Ah, bah, ça va bien, ça va bien. Bon, on n'aura pas de réponse, hein, malheureusement. Elle a dit qu'elle n'avait pas de jouet. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Laurie ment. Bah, Laurie ment. Hein. Bah, voilà. Voilà, Laurie nous a menti, bah, encore ouais, une fois. On en, reste, on en restera là. Les infos de Julie arrivent dans un instant sur Fun Radio après Kate de Luna. Si après Kate de Luna. Michael, voilà. Ouais, salut, c'est Kate Luna. Le matin, quand je me réveille, je ne couche jamais. Michael à la radio. Michael à la radio. Kate de Luna sur Fun Radio avec Fat Man Scoop à l'instant. C'était Drop It Low. Je vous rappelle toujours notre invité mystère. Votre monde rêvé. Un monde sans guerre avec plein d'oiseaux partout. Ah ouais, ah ouais, vous êtes un bisounours alors. Ouais. De temps en temps, ouais. Voilà. Très très gros bisounours. Est-ce que cet invité mystère peut nous saluer ce matin ? Ouais, salut tout le monde, tranquille, what's done quoi ? Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. Vous pouvez faire un petit... Ce qui est marrant, c'est que je le reconnais mieux quand c'est l'op qui le fait. Bah oui, t'as vu. On lui même pas. Bizarre. Bizarre. Vous pouvez faire une dédicace à Julie, elle vous kiffe. Ouais, Julie, t'es magnifique. En tout cas, t'inquiète quand tu veux, dans ma lambeau. Ça va. On prend mieux que dans ton polo, moi je te le dis. Ça, c'est sûr. Voilà, bon, et un autre indice, il est également le petit ourson. Ça faisait une chanson. Numéro 10. Le petit ourson. Merci à Chantal Goya, bien sûr, qu'on recevra la semaine prochaine d'ailleurs, toi au passage. Oh. Il est 9h01 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est l'info de Julie. Si vous avez la bonne réponse, donc 63-22, c'est 1€ le message pour l'invité mystère, ou alors le 621-783-605 pour nos amis Lulu. Merci. Je viens de féliciter là, pour cette imitation, parce que quelqu'un a deviné Camaro. Ah. C'est bien. Bravo. Yes. Bien aussi, tiens. Ouais, bravo, bravo. 9h01 sur Fun Radio, c'est l'heure de l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous. La tempête Joachim Wergen a fait des dégâts dans la province du Luxembourg où les vents sont les plus violents. Les services de secours sont principalement intervenus pour des caves inondées et des arbres sur la chaussée près de Virton. Les cours d'eau de la province sont en pré-alerte de crue. On note des problèmes de circulation ce matin aussi à Bruxelles. Les boulevards industriels et Général Jacques sont en partie inondés. Le ring extérieur est à l'arrêt à partir de Woluwe. Le vent pourrait gagner en force au cours de la journée. La tempête qui est d'abord passée par la France, privant d'électricité 200 000 foyers en Bretagne, et un cargo battant pavillon maltais s'est échoué vers 2h du matin entre l'Orient et la presqu'île de Quiberon. Une brèche dans la coque provoque une pollution du rivage. L'autopsie d'Antonietta, la première victime de Nordin Amrani, est terminée. L'exécution a été confirmée et les journaux de Sud Presse affirment ce matin que la victime connaissait son bourreau. La femme d'ouvrage faisait déjà des ménages dans un immeuble appartenant à Nordin Amrani. Quatre des nombreuses victimes du tueur sont toujours à l'hôpital et dans un état jugé très préoccupant. Le bilan de la tuerie survenue mardi midi place Saint-Lambert dans le centre de Liège est de 6 morts dont l'auteur des faits. Les parents de Sadia reconnus coupables de meurtre avec les circonstances aggravantes de crimes d'honneur et de tentative de mariage forcé se pourvoient en cassation. Ils jugent la motivation du jugement non pertinente. Le père et la mère de la jeune Sadia assassinée en 2007 ont été condamnés lundi à respectivement 25 et 20 ans de prison. La production de voitures en Belgique a été plus élevée en 2011 malgré l'absence de l'usine Opel à Anvers. Audi à Bruxelles aura atteint son objectif de 120 000 à 1 produite cette année. Et si la production de 2011 dépasse celle de 2010, elle est loin d'atteindre le niveau de 2001 où l'on produisait encore en Belgique plus d'un million de voitures. À l'étranger, en République démocratique du Congo, 5 chefs de centres de vote lors des élections du 28 novembre dernier ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir falsifié les résultats de 2 candidats. Et puis enfin, en sport football, en 6e journée de phase de poule de l'Europa League, carton plein pour les clubs belges. Le Standard était déjà qualifié, mais il a tout de même battu 0-1 Copenhague. Et puis le FC Bruges a obtenu son fameux partage 1-1 face à Braga. 9h04 sur Fun Radio, bonne matinée tout le monde, c'est l'heure de passer à la météo maintenant. Comme je viens de le dire, pas mal de vent encore ce matin, soyez prudents, beaucoup de pluie durant la matinée. En Haute-Belgique, il neigera temporairement, ensuite quelques éclaircies se développeront, température de 4 à 7 degrés, demain il va faire encore plus froid, mais normalement pas de pluie au rendez-vous. Oui, et ne vous inquiétez pas, hein, donc ce n'est pas la fin du monde, le soleil s'est bien levé. On ne s'en rend pas compte, mais le soleil est là, il est debout, tout va bien, il fait noir, mais vous inquiétez pas. Dans un instant, je vous rembourse une dernière fois vos factures pour cette semaine. Si vous voulez qu'on vous appelle, peut-être chez vous justement, 6322, débutez le message par facture, tout simplement avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance, on appelle chez vous dans moins de 3 minutes. Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, 9h05. Quelle est l'info en plus ? Eh bien, à Luxembourgville, les parkings coûtent quand même assez cher. Mais surtout quand tu y oublies ta voiture durant 5 ans. Oui, c'est ça. Il y a un Français qui a en fait garé sa voiture à Luxembourgville dans un parking et maintenant il a quand même un ticket de parking qui s'élève à 51 000 euros. En fait, il a abandonné apparemment sa Citroën dans, au troisième sous-sol d'un parking du théâtre en plein centre de Luxembourg. Et le propriétaire de du véhicule immatriculé en France, eh bien, il est inconnu. Il n'est toujours pas venu rechercher sa voiture après 5 ans. Et selon les responsables du parking, c'est toujours à lui qu'incombe la responsabilité de la faire sortir, la voiture. Donc maintenant, après 5 ans, à 26,90 € la journée, le parking, eh bien, après 5 ans, il devra payer 51 000 euros pour son ticket de parking s'il désire récupérer sa vieille Citroën. Mais je ne pense pas, à mon avis, il est décédé malheureusement. Oui, il a préféré abandonner sa voiture. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le parking, les propriétaires refusent de bouger la voiture. Ils préfèrent la laisser là parce qu'ils disent que le propriétaire doit le faire. Bien sûr. Mais enfin, bon, il y a un moment. Mais après 5 ans, il y a quand même une grosse couche de poussière au-dessus de la voiture. Il faut quand même bien dire. Tu m'étonnes. Donc, c'est assez rigolo. 51 000 euros pour un ticket de parking. La pauvre, pauvre BX. Pauvre BX. Bon, 9h06 sur Fun Radio, je vous rembourse vos factures après Chris Brown et Pitbull dans un instant. Si vous voulez que ça tombe chez vous, peut-être, on ne sait jamais, vous vous inscrivez au 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Allez, on fait ça juste après Chris Brown, Pitbull, c'est International Love sur Fun Radio. Cette machine commence à m'énerver. Je recommence ? Voilà, maintenant ça va. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et oui, sur Fun Radio, on est là, on vous paye vos factures tous les matins, 7h10, 8h10 et 9h10. Le concept était simple, hein, je vous l'avais expliqué, c'est toujours le même tous les matins d'ailleurs. Il suffit de s'inscrire au 6322, vous mettez facture en début de message, puis vous mettez le montant et l'objet de la facture tout simplement. Et vous repartirez peut-être avec un remboursement de facture. Et pour nos amis luxembourgeois, vous envoyez pareil facture au 621 783 605. Allez, c'est parti, on y va, on appelle, a priori on va rembourser de l'essence. Ouais, c'est ça, de l'essence ou du diesel, enfin, je sais pas très bien, mais bon. Du carburant, voilà. Faire ça, comme ça, on est tranquille. On y va, on appelle. Il y aura l'horoscope de Doudou juste après aussi. Et Florida. Allô ? Allô ? Allô, bonjour ! Oh là là là là là. Allô, bonjour ! Oui, allô, oui, bonjour, qui paye les factures le matin ? C'est Fun Radio. Ah bah voilà ! Eh bah très bien, comment tu t'appelles ? Philippe. Felipe, très bien. T'es dans quelle ville et tu as quel âge, Felipe ? Bruxelles, 28 ans. Bruxelles, 28 ans, très bien. Donc, eh bien, voilà. Écoute, pas de soucis, on va te payer, on va te rembourser. Alors, c'est quoi ? C'est du diesel, c'est ça ? Du diesel, ouais. Du diesel, et combien la facture ? 53 euros. Alors, c'est con, t'aurais dû faire le plein pour le coup. Hein. Mais bon, hey, écoute, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Hein. J'aurais pu. Eh ben ouais. Bon, ben, Felipe, bon, en même temps, il n'y a plus personne qui fait le plein. Ça coûte tellement cher que maintenant, on met la moitié, tu vois, comme ça. Tu te dis, oh, ça fait moins mal. Bon, Felipe, il n'y a pas de problème, on va te rembourser tes 53 euros. Tu vas nous envoyer la copie de ta facture et puis ben, nous, on fait le virement dès qu'on a la copie. Bah, c'est super. Tu restes bien au standard et puis on prend tes coordonnées, d'accord ? Ok, merci mec. Salut, bonne journée Philippe, à bientôt. Salut, salut. Et puis pour les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire, évidemment. 6322 code facture avec le montant et l'objet. Si, comme Philippe, vous voulez qu'on vous rembourse votre facture. Dans un instant sur Fun Radio, c'est le son de Florida qui arrive avec Good Feeling. Et il y aura aussi le dernier horoscope de Doudou qui arrive juste derrière sur Fun. Bonne matinée. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et c'est Robert Abigail qui arrive dans un petit instant d'ailleurs sur Fun Radio avec Amour, Amor Prohibido. 9h17 sur Fun. Bon réveil tout le monde. C'est l'heure de faire un tour du côté de l'horoscope maintenant et on va attaquer les béliers. Ah, directement comme ça. Allez. Moi, je n'étais pas dans le starting block. Bah, mais bon, allez, les béliers. Alors, pour réussir, il faut savoir s'organiser, fixer un ordre chronologique dans vos tâches. Très bien, les taureaux. Si vous êtes pris entre deux feux, n'essayez pas de jouer les Saint-Bernard. Les gémeaux. Cette journée se passera calmement, presque de façon monotone. Très bien, les cancers. Courage, vous y êtes presque arrivés. Le temps va jouer en votre faveur. Merci, Doudou. Mais de rien, c'est gratuit. Les lions. Vos pensées sont déjà à ce soir. Alors si vous le pouvez, quittez plutôt le travail ou n'y allez pas du tout. Les vierges. Allez, cette journée n'est pas si mauvaise que ça. Les balances. Aujourd'hui, personne ne pourra vous retenir à la maison. Vous êtes plein d'énergie. Les scorpions. À cause du stress des derniers temps, votre patience a été mise à rude épreuve. Les sagittaires. Sortez de vos habitudes et planifiez quelque chose de fou fou fou. Oui, mais merci Dodo. Les capricornes. Battez-vous avec détermination et le succès arrivera tout seul. Les Verseaux. Vous avez de bonnes cartes pour les affaires financières et si vous y allez avec courage à vos rendez-vous, ça se passera bien. Et les poissons pour terminer. Accordez-vous aujourd'hui une pause et profitez de la soirée au sein de vos êtres chers. Très bien, parfait. Merci Dodo. Vous venez demain à Charleroi pour les 20 ans de Fun. Bien sûr que je serai là. Bon, vous venez sur la scène, tout bien ça. Bien sûr, on va zouker, swinguer. Très bien, ben, on fait ça. Demain, on sera tous là. Donc, toute l'équipe de Fun Radio sera là forcément pour fêter les 20 ans de Fun au Coliseum à Charleroi. On vous attend nombreux, évidemment. En plus, on va faire plein de jeux. Et oui, nombreux aussi. Hein. Et puis, on va faire pas mal de jeux, notamment un gros cadeau, un séjour voyage, hein, l'avion, l'hôtel, tout est payé. Donc voilà, venez demain, on sera en pleine forme. Demain, au Coliseum à Charleroi, il y aura Evan de la tribu, il y aura également Vince, il y aura toute l'équipe de Fun. C'est pas plus compliqué que ça. 9h19 sur Fun Radio. Et on écoute Robert Abigail maintenant sur Fun avec Amor Prohibido. C'est parti. Si la machine veut bien, je pense qu'elle va me lâcher dans quelques instants. En tout cas, ce sera une bonne nouvelle pour Lucas qui a encore 3h30 d'émission à faire. Hein. Ah, bien se passer, Lucas, t'inquiète! Bienvenue sur Fun, il est 9h22, c'est dans un instant que ça va se passer, le self. Vous pourrez faire tout simplement votre prog avec Lucas. Profitez bien de Lucas d'ailleurs, puisque c'est le dernier jour, hein, après il est viré. Non, en fait, après il part en vacances pendant 2 semaines. Donc, vous pourrez faire la prog avec Greg qui sera là dès la semaine prochaine. Mais Lucas, donc jusqu'à 13h, il y aura Jasmine juste après, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler plus dans le détail d'ici quelques instants. Alors, avant ça, il y a également, je vous le signale, place pour aller à Tignes, c'est la dernière chance hein, pour vous, puisque le tirage au sort se fera avec Lucas justement à midi. Dernière chance pour vous inscrire, pour aller rejoindre les 25 000 autres clubbers sur le plus haut dancefloor d'Europe. Direction la soirée, c'est le Fire Mix Party le 31 décembre à Tignes. Vous gagnerez comme ça le séjour qui va du 25 décembre au 1er janvier. Studio pour 2 personnes avec la location du matos de ski, les forfaits, les entrées au lagon, etc. Et vous allez pouvoir passer la nuit de Saint-Sylvestre, le réveillon à Tignes. Ça le fait quand même avec Antoine Clamaran. Si vous voulez vous inscrire, 6322 code neige, c'est 1€ par message et on vous appellera peut-être dans quelques instants pour vous offrir votre casque polaire audio Lenco. Ça vous le gagnerez si vous êtes tiré au sort maintenant et si vous êtes retiré au sort à 12h à peu près, hein, vous repartirez avec tout le reste. Donc autant vous dire qu'il y a quand même Tignes pendant une semaine, ça le fait pas mal quand même. Bon. Il y aura Boris aussi dans un instant, mais ça c'est pour un autre jeu, ça c'est pour notre invité mystère. Et avant ça, je vous avais déjà parlé de cette grande émission qui passe sur NT1, c'est tous différents, je sais pas si vous vous souvenez. Mais oui, c'était il y a à peu près 2 semaines si mes souvenirs sont bons. Et donc c'est effectivement, c'est des célibataires comme le dit Julie qui cherchent le grand amour. Et donc ce matin, on va faire connaissance avec de nouveaux cas. Nous sommes en Suisse, dans la ville de Lausanne, oui. À la rencontre de Nicole. À 37 ans, cette jeune femme s'éclate dans son métier de coach sexuel. Eh oui, elle s'éclate dans son métier de coach sexuel. Alors déjà, coach sexuel, ça met un peu l'ambiance. Hein. Bah tout de suite, tu sais à qui t'as affaire. Bah voilà, donc on commence par la rupture de Nicole, hein, qui se passe en douceur. Genre juste parce que j'aime Bernard Tapie et je l'admire, toi tu me sors un pauvre con devant tout le monde, c'est ce que je mérite. Ouais, effectivement, à y réfléchir, ouais, je crois que c'est ce que tu mérites, ouais. Et bim dans ta gueule. Mais ce qui est bien, c'est quand elle parle. Ses mots, quoi. C'est quand elle parle, il fait. On a rien à foutre de la gueule. Mais effectivement, ouais, je crois que c'est pire en fait ce que je pense, tu vois. Bon, le mec donc se démonte pas, comme vous avez pu le remarquer, et il leur met même une petite couche avant de partir. C'est vrai, bah je t'ai traité de connasse, oui, c'est clair, parce que t'as agi vraiment comme une connasse, quoi. Connasse, tu vois. Tu vois comment il parle, tu vois. Le mec, c'est un peu imbu de lui-même, tu vois. Du coup, bah forcément, Nicole retourne sur le marché, hein, le marché des célibataires, et elle rencontre tout de suite un mec bien. J'ai pas l'impression de l'avoir menti. Je ne l'ai pas dit, mais la question s'est pas posée. Voilà, donc comme elle a pas posé la question, il a oublié de lui dire qu'il avait une femme et des enfants. Hein. Un détail. Voilà, c'est pas comme si c'était super important non plus. Mais bon, en même temps, Eric, hein, il savait pourquoi il était venu. Hein. Qu'est-ce que vous attendiez de la soirée? Moi, j'attendais de l'attraper, quoi. Voilà. En fait, il faut savoir que cette voix qui est un peu masquée est celle de Toff. Voilà. Donc c'est lui qui était là-bas, il faut... Mais cette voix est juste hallucinante. Mais je crois qu'il a l'air travaillé, hein, je pense. J'ai trop peur, en fait. J'espère pour lui. Bah ouais, ouais. Et donc forcément, quand Nicole lui dit non, bah lui, il comprend rien. Et comme elle était dans un mood... éclate, rigole, etc. Et je me suis dit, super, quoi, c'est l'autoroute. Ah oui, c'est l'autoroute. Voilà, il a juste malheureusement... C'est l'autoroute. Mais oui, il a malheureusement pas dû prendre la bonne sortie. Dommage. Mais oui, c'est dommage, effectivement. Qu'est-ce que tu veux. Enfin bref, on va dire que c'est dommage, effectivement. Et pour finir cette... Pour finir la petite perle de la langue française, hein, vous savez que le français est une langue qui n'est pas très très très simple, écoutez. Voilà, je recherche un homme sérieux. Qui soit marrant, gentil, qui souhaite prendre soin de moi. Ah oui, qui souhaite prendre soin de moi. Mais oui, je pense qu'effectivement c'est une bonne chose. Hein. Qu'ils prennent soin de moi. C'était difficile effectivement. Bon, dans un instant les gagnants pour l'invité mystère et pour Tigne. Et en attendant, on se fait le dernier son de ce matin, enfin avant 9h30 en tout cas. DJ Antoine et Tom Dice, c'est Sunlight sur Fun. Bonne matinée. Il est 9h28 et nous sommes en retard, hein, une fois n'est pas coutume. Nous avons vite fait la Boris qui est avec nous, qui avait la réponse à notre invité mystère. Salut Boris. Salut. Comment vas-tu Boris? Ça va. Bon, bah, bienvenue à toi Boris, t'avais la réponse à l'invité mystère, je le remets un petit coup là. Votre monde rêvé? Un monde sans guerre avec plein d'oiseaux partout. Ah ouais, vous êtes un bisounours alors? Ouais. Ouais. De temps en temps, ouais. Ouais, de temps en temps, ouais. Ouais. Bon, bah Boris, c'était qui? C'était Booba. Eh oui, Booba, effectivement. Hein. Merci à Chantal Goyer également. Booba, le petit ourson. C'était ça l'indice que j'avais donné tout à l'heure. Et voilà, voilà Booba, on vous a reconnu. J'espère que vous êtes content. Ouais, je suis super content de pouvoir offrir le cadeau aux gens qui m'ont reconnu. Ah, Boris, c'est comme vous, hein. Boris, Booba. Boris. Bah voilà. T'inquiète. Bon, bah Boris. Bravo à toi, tu repars donc avec un des cadeaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu vas choisir ça avec Booba au standard. Ok. Merci, nickel. Je peux remettre vite un petit bonjour à mon pote Brian qui est sur les routes. Vas-y. C'est fait. À mon pote Brian qui est sur les routes. Ça marche. Bon, y a pas de problème. Salut Boris, et reste au standard, bouge pas. Ouais, t'as. Et on a Muriel qui est là également de Limal, 34 ans. Salut Muriel. Oui, salut. Comment ça va? Super, mieux que le temps. Bah oui. Oh là là, c'est une expression de vieille Muriel. Fais attention quand même. Ça, hein. Faut arrêter. Tu as 34 ans, n'es pas encore vieille, hein. Donc, hein, on ne dit pas ça va. Ouais, ça va comme le temps. Non, ça ne va pas comme le temps. Il faut bannir ces expressions. Ah, c'est le début de la fin, là. Voilà, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. D'accord, Muriel. Et surtout, allez. Vu la gueule du temps, ça doit pas aller très fort. C'est vrai. Allez, on recommence. Muriel, elle a dit mieux que le temps, personne ne l'écoute. Ouais, mais bon. Muriel, 34 ans de Limal. Ça va, Muriel? Super. Ah, tu vois, ça c'est fun ça. Voilà, là on est au top. Bon Muriel, tu t'étais inscrite pour partir à Tignes? Oui. Ça ferait plaisir ça, hein? Ah, ça c'est super, ouais. Tu m'étonnes. C'est un bon cadeau, ouais. Tu m'étonnes. Eh bien Muriel, quoi qu'il en soit, on t'offre déjà ton casque audio polaire Lenco, ça c'est pour toi, il n'y a pas de problème. Et puis, dans moins de 3 heures, Lucas te rappellera peut-être... pour t'annoncer que tu as gagné ton voyage direction Tignes pour la semaine complète avec le studio, avec la Fire Mix Party. C'est la soirée qui aura lieu la nuit du 31 décembre à la Saint-Sylvestre avec Antoine Clamaran qui mixera 25 000 personnes sur le plus haut dance floor. Ça va être au top, tu vas voir. Muriel, ah ouais, génial, je te souhaite bonne chance en tout cas et je te fais des gros bisous. Ouais, gros bisous. Merci. Salut. À bientôt. Salut, salut Muriel. Ciao à toi. Bon, ben en tout cas, passez une bonne journée, une bonne fin de semaine également tout le monde. On se retrouve demain au Coliseum à Charleroi en pleine forme pour les 20 ans de Fun Radio avec des cadeaux, les voyages, tout ça qui aura gagné. Vous allez voir, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie, je vous le dis, donc soyez là. Dans un instant, c'est Lucas. On se retrouve dès demain à 7h-10h pour le replay sur Fun Radio. C'est avec Yolande jusqu'à 10h. Et puis en direct pour la dernière semaine de l'année. Ce sera dès lundi à partir de 6h. Bon week-end, Neb July. Bon week-end, Mickaël. Très bien, Toff et Love aussi. La bonne bon week-end. Week-end, à demain aussi. T'as remarqué, nous, c'est toujours à 2. Hein. Oui, toujours. Ouais, c'est ça, c'est mais regarde, les stagiaires aussi. Hein. Les stagiaires aussi, non, c'est non, les max. C'est les stagiaires. Là, on ne pose même pas la question. On leur dit. Oh, t'as vu comment elle est. Je les salue, les stagiaires. Non, mais c'est normal. Merci à vous. On salue la princesse en premier lieu. C'est notre travail. Quel cinéma. J'ai bien travaillé dans l'ombre, les gars. Je vais vous redescendre à la cave. C'est ça. Bon, allez, bon week-end. Bon week-end, tout le monde. À demain au Coliseum. Ciao. Ciao. Ciao. Allez, à Mickaël. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. Salut, c'est Mickaël. Tous les matins à 7h10, 8h10 et 9h10, j'appelle chez vous pour vous rembourser vos factures. Mickaël, paye vos factures. Paye vos factures. Bonjour, qui paye les factures le matin? Fun Radio. Comme vous êtes et voilà. Si vous voulez que je vous appelle lundi matin, envoyez facture avec l'objet et le montant de la facture au 6322. Et si vous êtes tiré au sort, je vous rembourse l'intégralité de votre facture. Facture au 6322, c'est 1 euro par message. Fun Radio, le son d'Annecy.